Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Éric Richer puis Pauline. Merci les amis. Rétro Nouveau. Bonjour et bienvenue à ce 23e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien? Ça va très, très bien. Ça va très bien. C'est le fun d'être de retour après qu'on ait sauté une semaine. Oui, on a sauté une semaine, mais c'est ça, toi, t'étais très occupé. T'avais une tonne d'affaires qui se passaient, entre autres, par les... Professionnellement. Puis ça a eu une influence sur notre local. Ouais, totalement. Ben, ce qui s'est passé, en fait, pour faire une histoire courte, c'est que moi, j'étais à mon compte avec deux associés. Puis, on roule depuis 3 ans. Mais là, la compagnie s'est dissoute. Fait que, en bon terme, là, les deux autres, c'est deux très, très, très bons amis à moi. Fait que c'est pas des problèmes personnels. Or, les deux autres gars sont partis. Fait que moi, je me retrouvais tout seul dans le local que vous avez vu sur YouTube si vous avez regardé nos vidéos. Donc, c'est là qu'on enregistrait. Puis, ce local-là est toujours disponible parce que je l'ai loué jusqu'au mois de novembre. Mais là, j'étais tout seul dedans avec une autre compagnie qui est avec nous. Puis, même si ces gars-là sont bien cool, tu sais, je me trouvais un peu, je sais pas, je me demandais qu'est-ce que je vais faire là, moi, à tous les matins, là, tu sais. Fait que j'ai eu envie de ramener ma business chez nous. Donc, j'ai fait ça pas mal plus vite que je pensais. Fait que la semaine passée, j'ai tout viré le salon de bord ici. J'ai ramené tout mon ordi, mes affaires. Puis là, vous pouvez peut-être penser, ouais, mais c'est pas long, ça, déménager un ordinateur. Mais c'est pas juste ça, tu sais. La business est dissoute. Moi, maintenant, je pars à mon compte, ça me prend des numéros de taxes, faut que je refasse mes feuilles de temps, faut que j'avise tous les clients, faut que je me pogne un Gmail, faut que, tu sais, tout ça m'a viré à l'envers, là, puis ça a été bien de l'ouvrage, là. Ben fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de show, en fait. C'est très comprenant, mais en même temps, c'est comme c'est un mal pour un bien, parce que notre nouveau local d'enregistrement, moi, c'est chez nous. Tabarnouche. Non, mais c'est ça, c'est chez vous. Puis, tu sais, vous ne voyez pas présentement, vous allez voir dans les vidéos, mais, tu sais, chez vous, là, la pièce où on enregistre, c'est comme la cave du parfait gamer. Il y a du stock. Il y a du stock en masse. Ouais. L'ambiance est chaude, chaleureuse. C'est drôle, quand on a commencé à faire le podcast, on était dans la cuisine. On était ici à côté, mais on n'était pas dans le salon ici parce que j'étais super mal installé. Ouais. Fait que là, je suis comme mieux installé, tu sais, mais c'est pas parfait. Là. Vous allez voir, bien sûr, c'est très. J'ai arraché un faux foyer ici. Il y a des murs pas finis, c'est brun. T'sais. C'est un mélange de tout. Là. Je pensais faire des rénaux. Mais ils vont peut-être attendre finalement parce que je veux apprendre à travailler ici puis à vivre ici parce que je me lève, tu sais, je fais la routine du matin puis je viens m'asseoir drette ici là. Avant de tout jeter à terre là, tu sais, je veux voir comment ça va, le show, comment ça va, tu sais. Fait que c'est ça. Mais comme tu dis effectivement là maintenant, on est entouré de tout mon matos, puis c'est assez rétro comme look là, du bois brun à grandeur, ça Non, mais on entre dans un autre univers complètement là, j'ai l'impression d'être en 85 puis de commencer à jouer puis non, je trouve ça vraiment trippant, puis c'est super cool que notre podcast soit ici. C'est plus simple aussi pour toi. C'est beaucoup plus simple pour moi. Vraiment plus simple pour moi aussi là, en fait. Donc puis on peut les consoles sont là, on peut jouer, c'est vraiment nice. Certain, parce que là on a une nouveauté cette semaine. Plus tard dans le podcast, on fait le jeu souvenir. Puis le jeu souvenir, comme la semaine passée, va être en vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Fait par notre incroyable Jean-François Cromp, qui est vraiment un dieu de la vidéo, qui nous a fait des coups de canon. Il est vraiment excellent. Hein? Puis on peut dire là, vraiment que c'est le troisième membre de Rétro Nouveau. C'est le troisième membre de Rétro Nouveau. Il est super gentil, hyper professionnel. T'sais. Vraiment. Puis, il a des bonnes idées. Puis il fait une job de pro. Là, t'sais. C'est le fun. C'est un passionné comme nous autres. On est super contents de l'avoir trouvé dans le lot. Avoir un gars comme ça, c'est vraiment génial pour nous autres en tant qu'équipe. Un gars qui trippe autant que nous autres à faire ça. Puis on voulait en faire de la vidéo depuis tellement longtemps, même que ça c'était fait longtemps ça le qu'on but parle premier. De ça. C'est la première chose qu'on a voulu faire, tu sais. Puis on n'a pas les. Écoute, on peut pas tout avoir dans la vie. Ben non, c'est sûr. Fait qu'on n'avait pas les skills ou l'équipement ou whatever. Puis lui, il a bien voulu comme embarquer dans l'aventure, finalement. Fait qu'il fait ça totalement gratuitement pour le plaisir de la chose. On essaye de booster. Sa compagnie qui a sur le site, puis tu sais, comme on s'entraide, puis on essaie de faire de Rétro Nouveau de quoi de plus en plus gros, si possible. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Oui, c'est ça. Puis, en passant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'envoyer à n'importe qui. Mettez-le sur vos Facebook, mettez-le sur Twitter. Vraiment, envoyez ça à n'importe qui. C'est comme ça que Rétro Nouveau va se propager. C'est comme ça qu'on va vous donner du matériel de qualité. On va vous donner plus de matériel parce qu'évidemment, plus le public grandit, plus c'est motivant pour nous autres, évidemment. Puis, ça nous donne le goût d'avancer puis donner du stock de qualité, tu sais. Absolument. Mais c'est sûr que la qualité ne changera pas, évidemment, pour nous autres. On reste comme on est, là. On reste comme on est, on tripe à faire ça, puis on ne changerait pas ça pour rien au monde, là. Mais la formule va évoluer. Ça évolue tout le temps, puis si on se met à faire plus de vidéos, ben là, ben, tu sais, quand tu penses vidéo, tu penses autrement que juste audio. Exact. Là, fait que ça rajoute comme une perspective, là, qu'il faut tenir compte. Comme on essaye aussi de mixer l'expérience, puis que ça soit un tout Rétro Nouveau, tu sais, que tu as l'expérience vidéo, tu as l'expérience audio, mais c'est pas complet tant que tu n'as pas eu les deux, comme. Ouais, c'est ça. Puis le jeu souvenir est un excellent segment pour ça, tu sais, parce qu'on parlait d'un jeu, puis le voir en plus, ben écoute, c'est la totale, parce qu'il y en a peut-être des plus jeunes parmi vous qui n'ont jamais joué à ces vieux jeux de NES là auxquels on joue, tu sais. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux de NES, hein. À date, des jeux de NES. On a juste fait des jeux de NES, puis on va en faire d'autres. J'ai un Genesis ici, j'ai tout ce qui existe. Oui. Ça fait que un jeu d'Atari, là, ça serait très drôle. Mais tu vas en sortir des bons, là. Il y en a tellement, plein de jeux qu'on pourrait jouer comme là, justement. Je fais juste regarder tes étagères, puis je comme ouais, OK, on va être rendu au 150e épisode de Rétro Nouveau pour celui-là. Mais c'est ça qui est génial, ça n'a pas de fin, tu sais. On a tellement qu'on peut faire. Là, c'est sûr que c'est des jeux de NES, parce que le NES a marqué notre enfance énormément. Moi, la vôtre NES, aussi, beaucoup, probablement. Ben, c'est sûr. Moi, la NES, c'est ma meilleure console à vie. Ouais, parce que je reprends ça avec la configuration de la manette, la simplicité de la console, sa façon de fonctionner, sa musique, son graphisme, tout est fait d'une façon que j'accroche tellement. Ah oui. Puis pourtant, à ce moment-là, moi, j'avais une NES puis une Sega. Ouais. Puis pourtant, Sega n'est pas venu me chercher de la même façon que NES est venu me chercher. Ils sont plus venus me chercher avec la Genesis. Mais anyway, ça se passe, puis on parle de d'autres choses. Mais tout ça pour dire qu'on tripe vraiment avec les vidéos. On espère que vous tripez autant que nous. Partager, puis aussi on voulait dire que on change la formule un petit peu la vidéo qui arrive, c'est quelque chose, puis ça nous a fait réfléchir sur d'autres aspects. Oui. On avait depuis notre tour des fêtes, là, finalement, on a reconstruit l'émission en chronique, en segment. On avait héros et vilains, puis une chronique rotative où est-ce qu'on avait le style, le créateur, toutes ces affaires-là. Ces deux chroniques-là, cette semaine, puis dorénavant, on va les sauter. On les fera plus. Parce que, bon, on se ramasse avec des épisodes de 2 heures, 3 heures, premièrement. Ça, c'est un petit peu lourd par bout. Puis, ces bouts-là, ces chroniques-là sont très intéressantes, je pense, côté historique et informatif, tu sais. Puis ça, c'est cool d'avoir l'information comme ça. Mais en même temps, des commentaires qu'on reçoit, les gens aiment quand on jase, puis on est comme plus naturel. Naturel, libre, freestyle, tu sais. Puis ces segments-là étaient un petit peu plus narratifs, là, tu sais. Oui, vraiment. On a pas le choix d'avoir des feuilles, là, tu sais. On peut pas apprendre ça par cœur, là. Non, tu t'apprends pas ça par cœur, puis t'as énormément de stock à livrer, puis comme c'est informatif, ben, tu veux pas te tromper dans tes faits, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu veux absolument que ça soit le plus précis possible, fait que c'est des segments qu'on aime, mais c'est des segments qui demandent énormément de travail. Oui, et qui allongent le show beaucoup, beaucoup. Puis on a un nouveau segment qu'on a décidé d'ajouter, qu'on pense qui est un petit peu plus funné. Oui. T'sais? Fait que vous allez voir tantôt. Oui. Donc on a coupé ces deux longs segments-là pour en rajouter un qui est semi-long, je pense. C'est ça. Puis plus, tu sais, le jeu souvenir, il peut peut-être prendre plus de temps aussi maintenant parce qu'on joue, tu sais. Exact. Fait que, en tout cas, pour pas que ça soit trop long, puis pour que ça reste dynamique all the way, on a décidé de couper ces segments-là. Alors, c'est une décision qui est prise en passant juste pour que le podcast soit meilleur. C'est ça. Puis il peut y en avoir d'autres plus tard aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on va décider de... En tout cas, nous, on se rend compte à un moment donné qu'il y a des affaires peut-être fit moins, oui. On le ressent, ça, fait qu'on s'ajuste. Là, quand on, aussi, quand on aime moins quelque chose, ça finit par paraître, soit par ouais. nous autres, par notre propre personne, ou par le fait qu'on n'interagit peut-être pas autant des fois pendant ces segments-là. Non, c'est quelque chose qui nous déplaît parce que on s'en rend pas nécessairement compte au moment de l'enregistrement, mais une fois qu'on l'écoute, on fait comme... Ouais. Étais-tu là? c'est ça. T'es plus là, tu dis plus rien, mais c'est parce que l'autre est passionné, il écoute comme « Ok, là, je suis en train de... J'apprends, ah, là, tu sais, j'apprends, j'écoute, c'est important, tu sais. » Mais c'est ça, tu sais, il faut que ça reste dynamique, ça reste le fun, ça reste, tu sais, chill. Chill. Mais ceci étant dit, par exemple, ça veut pas dire qu'à un moment donné, on fera pas un petit spécial, par exemple. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous demande « Ah, faites parler de Ryu Hayabusa, tu sais, ouais. whatever. » Tu sais, un moment donné, on va le faire. Ouais, c'est ça. On va peut-être couper dans d'autres choses, on va rapetisser un autre truc, là, tu sais, pour essayer de garder un bon temps, mais... Mais moi, tu sais-tu quoi? Direct là, je pitcherais quelque chose, tu sais, puis si t'es pas d'accord, tu me le diras direct là, mais je trouve que ça pourrait être le fun que de parler de certaines affaires seulement si on a une demande du public. Si, ah, ben oui, ben si oui. On a une demande. J'avais pas prévu monde, me forcer pour trouver des affaires. Non, moi, mais là, c'est là. Ça. Mais c'est ça, dans le sens, tu sais, si vous voulez vraiment, là, si vous tenez vraiment à nous entendre parler de quelque chose, là, dites-nous-le. Puis on va checker ça, puis on va s'organiser pour le faire. Comme le spécial qu'on avait fait il y a très longtemps sur les Castlevania. Ouais. Beaucoup d'entre vous qui ont vraiment trippé sur cet épisode-là. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qu'on a adoré faire. Tu sais, puis c'est un épisode qui sort du lot, vraiment. C'est vrai qu'on de peut ce faire des fait. Épisodes complètement différents un moment donné pour c'est ça. Ça tu sais. Un spécial vraiment consacré ouais. à. On a dit qu'on allait série. En faire. Dans le temps, on disait qu'on allait faire des épisodes spéciaux, puis on n'a pas vraiment refait. Non, mais tu sais, on s'adapte. C'est ça. Mais en même temps, c'est ça aussi. C'est parce qu'on n'a pas reçu de plainte jusqu'à date. Quand on a poursuivi de plainte, nous autres, tu sais, on ride notre surf, mon gars, ouais. là, comme des malades, puis on est comme wouhou, on est sur la vague, puis on capote. Mais ouais. on sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe là, au gars qui est à côté de la vague, justement, qui fait comme fuck, ça fait super longtemps que t'as pas parlé de Megaman ou quelque chose du genre. Ouais, t'sais. C'est ça. Fait que ça arrive pas vraiment, fait que bon, ça se tient, mais c'est ouais. ça, on veut que ça soit dynamique, ouais. on veut que ça soit le fun. On veut que le monde trippe autant qu'on trippe. Je pense que si nous autres, on trippe énormément, vous allez tripper aussi à nous entendre. Absolument. Courrier du public. Alors, on a reçu du courrier beaucoup cette semaine. Ben oui. Des bons gros emails, là, tu sais. Oui, oui. Fait que je me disais que c'était bon, ça serait bon de passer au travers de ça. Bien sûr. Alors, on y va tout de suite avec Max Leliseux. Il dit « Salut, je suis fervent admirateur de Rétro Nouveau. » Merci beaucoup. Oui, merci. « Si vous pouviez... inviter Vidtendo à votre émission, ça serait vraiment fou. Il réside dans les environs de Québec, mais sans précision. Ah. » Brian, qu'on a eu au show, nous a parlé de Vidtendo aussi. Puis moi, je le connaissais pas. C'est un genre de gars, ça a l'air qui a fait bien des vidéos sur... Oui. Un maniaque, là, un gars qui a tout chez eux. Qui a fait des YouTube, là. J'ai même pas regardé. Je me suis même pas renseigné. Écoute, si jamais... Puis, en tout cas, il a l'air d'être tout un spécimen. Ouais. Si jamais on a la chance, écoute, on l'invitera, ça pourrait faire de quoi d'intéressant. Ou si jamais il nous écoute, si tu nous écoutes vide... Vide. Communique avec nous. Envoyez-nous un courriel, quelque chose. Ben oui. Sébastien Richard qui nous dit « Je ne vous connais pas depuis bien longtemps sur Internet, mais je suis bien heureux de vous suivre. Trouver chaussures à son pied sur podcast, mais difficile. Vous êtes ressorti du lot et j'en ai profité pour écouter tous vos épisodes en un week-end. » Tabarnouche, c'est malade, ça, ouais. Je sais pas comment ce qu'il a fait, mais c'est ça. Il y a une job de fin de semaine qui, on dirait, lui permet pas de dormir. Ah ouais, hey, félicitations. Surtout les derniers, là. C'est 6 heures, rien que pour les deux derniers. Je vous félicite pour tout et n'a qu'une seule remarque. Serait-il possible, à la fin d'une critique, de répéter rapidement de quel jeu et de quelle console il s'agit? J'imagine que vous podcastez devant un écran, vous voyez le jeu, blablabla, et vous mentionnez au début de critique. Hey, c'est vrai. Mais ça. Pour nous, les auditeurs, de repasser au travers une heure et demie de podcast pour oublier assez de trouver le nom, tu sais, c'est chiant. Fait que voilà une critique constructive. C'est logique, mon gars, puis absolument. On va rectifier ça. Il nous demande il y avait des questions. Y existe-t-il une patente du genre Super Game Boy pour jouer les cartouches de Game Boy Advance et de Game Boy Color? Autre que le Game Boy Player du GameCube. Ouais. Mais moi, j'en connais pas d'autres. Non, c'est ça. Vraiment, ça moi, quand je joue au Game Boy Advance, je joue direct sur mon Game Boy Advance. T'sais, je veux dire, un Game Boy Advance usagé, oui. C'est pas si cher, là, dans le fond. Ah, ça oui. joue les jeux de Game Boy Color, il me semble. Ah, c'est tellement une belle petite machine, non, là, devant machine, nous autres, présentement. Là. Ah ouais, moi j'irais avec ça. Connaissez-vous un moyen pour faire jouer les jeux NES munis d'une puce de protection sur FC Twin? Ça, FC Twin, c'est les fameuses consoles 2 dans 1, 3 dans 1. Oui, oui. Ça joue pas tous les jeux, puis il y en a que le son fuck, là, des fois, puis tout ça. Donc, il dit sans passer par un NES traditionnel. Moi, je le sais pas. Je ne possède pas ces consoles-là. Mais il va falloir, là. Ou je vais peut-être mettre en vente, là. Je ne sais pas. Ouais, tout le monde en parle tellement. Tout le monde en parle, hein. Mais c'est un bon. C'est une bonne façon de pouvoir jouer à des jeux rétro. Là, mm-hmm. C'est rien qu'il y en a qui ne jouent pas dessus. Machine pas propre et neuve aussi, là, des fois. Ben, ça va du bien. Absolument. Fait que non, il faudrait regarder sur Internet, sûrement pour ça. Je connais pas ça. Il y a un moyen pour faire fonctionner le fusil NES sur un écran non cathodique, donc sur les nouvelles télés. Ah? Non, il nous demande ça. OK. Mais moi, c'est ça, j'étais comme mort, Ouais, non, c'est ça. Mais il me semble qu'il n'y a pas J'ai pas cherché. Quand j'ai vu que ça marchait pas, je me suis dit, bon, ben ça marche pas. Mais non, mais... j'ai aucune idée. Mais c'est pas supposé que ça marche parce que les m'a déjà écrans sont pas principe, faits de la même là, façon. C'est ça, de comment ça s'était supposé marcher. Donc, d'après moi, c'est impossible que non, ça fonctionne. Non, ça marche pas. Ça mais encore pas. Une fois, peut-être Internet le dira. Peut-être. Dernière question. Quel adapteur du NES standard est le plus simple et le moins coûteux, chiante, pour une connexion sur un écran LCD? Donc, si tu veux jouer à ton vieux NES, premièrement, le vieux NES, le toaster, il y a un fil RCA rouge et jaune qui se branche direct dans ta télé. Mais peut-être des fois, ça peut ne pas marcher. Ouais. Je sais pas. Là. Ou si tu es juste coaxial avec la petite boîte grise, ça marchera probablement pas dans une télé. Ça marchera pas en fait dans les télés récentes parce que, en tout cas, techniquement, je sais pas comment l'expliquer, mais ça chie. Okay. Donc, fil RCA, c'est tout le temps la meilleure façon. Okay. Ou. Tu peux passer par une vidéo, un VHS. Je remercie Martin Hull pour ce conseil. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Okay. Passe par un VHS et tu branches ton VHS RCA dans ta télé. Ah. Parce que tous les VHS sont munis d'un convertisseur d'un convertisseur coaxial à RCA, dans le fond. Okay. Fait que tu peux peut-être perdre un petit peu de qualité, mais ça va fonctionner. Cool. Alors voilà. Yannick Neveu dit... Excellente émission. Continuez votre bon travail. Je suis ancien collectionneur moi-même, dans le sens où j'ai gardé mes vieilles consoles et jeux, mais je ne chasse plus comme les deals comme avant, faute d'espace et d'argent. Par contre, je frôle la rechute à cause de vous. Je vais constamment sur eBay voir les prix en écoutant vos émissions. Je me retiens d'appuyer sur le buy it now à chaque fois. Quelques questions que vous pouvez peut-être répondre et discuter dans un futur podcast. La PS Vita... Savez-vous que les trophées ne sont pas actifs quand vous achetez un jeu usagé? Non, mais c'est parce qu'à vrai dire, la PS Vita, les jeux, quand tu achètes un jeu d'une autre personne, ce jeu-là est comme activé par sa console, on dirait. Ça m'est arrivé avec un jeu, il y avait un autre usager qui l'avait essayé avant moi, puis j'avais pas mes trophées. Puis, Ça, vous allez voir ça de plus en plus souvent. C'est rebooter le jeu? Non, hein? Parce que c'est single user. C'est ça, exactement. Puis ça, là, ça va arriver de plus en plus parce que les compagnies cherchent à trouver un moyen d'attirer les single users puis d'enrayer complètement la copie, le piratage, mais par le biais, les jeux la usagés, revente, là, la revente. Parce qu'ils font pas d'argent avec la revente. Ouais. Fait que ça va arriver de plus en plus. Là, c'est comme déjà il y a la prochaine console de Microsoft, que ça soit info nuagique ou que ça soit une vraie console. Ils disent qu'il y a des gros plans et anti-piratage, mais aussi anti-jeu usagé pour une personne. Même chose pour la prochaine PS3 dont on a parlé ce soir à Monsieur Net. On pourra pas vendre. Puis ça va être chaque jeu. Dès qu'on va acheter un jeu, ça va être lié à un compte. PSN. Ouais. Fait que c'est plus ça avance, moins l'usager va exister. C'est triste, mais ben, ça s'en va. Tu vas pouvoir jouer, mais tu n'auras pas tes trophées. C'est ça. Tu n'auras pas tes trophées. Puis, je veux dire, si tu achètes. Tu peux quand même sauver ta game, par exemple. C'est ça? Ouais, tu peux quand même sauver ta game. Fait que sur PS Vita, tu peux sauver ta game. Tu peux jouer au jeu comme n'importe qui. Sauf que les trophées ne sont pas accessibles. mais c'est pas pour tous les jeux. C'est pour ça que je suis comme j'ai une réserve quand même. Là. Okay. Moi, ça m'est arrivé avec Michael Jackson Experience. Okay. Mais je m'en sacrais parce que le jeu, c'est poche. C'est fait que ça me dérange. Un jeu qui risque de se promener de console en console. C'est ça. Mais achète tes jeux neufs. Sérieusement, c'est encore mieux pour la PS Vita. Surtout pour les rabais des fois qu'on a avec... avec EB Games là, qui donne un rabais de 4$ sur un jeu de 40$, là, des fois ça vaut pas vraiment la peine. Ok. Les futures consoles en tant que collectionneur, que pensez-vous du fait que les jeux usagés ne fonctionneront peut-être pas? Rumeur que Microsoft, Activation, on vient juste d'en parler. C'est un peu ça qu'on a parlé. Petit truc pour nettoyer vos vieilles cassettes. Et c'est un truc que je connaissais mais que j'ai jamais essayé. Ouvrir la cassette avec un tournevis. Ça, ce petit tournevis-là est disponible sur eBay. Là. Genre, faites des recherches, ça coûte 6$, whatever. Puis, tes contacts, tu peux les frotter avec une efface. Une efface Staedtler. Comment est-ce qu'on dit? Staedtler. Ah ouais, c'est vraiment ça. Une efface Staedtler. Ouais. Donc, paraîtrait que tu peux comme frotter tes contacts avec une efface, puis ça va enlever tout le noir dessus. Oh, puis, Yannick, lui, nous dit de repasser par-dessus avec l'alcool à friction, mais d'après moi, juste l'efface devrait faire la job. Mais moi, personnellement, je fais juste alcool à friction sans ouvrir la cassette, mais sauf bien du trouble, ça fonctionne très bien. Ben oui, ça fonctionne mais, super bien. Peut-être qu'à un moment donné, si ça fonctionne vraiment pas, peut-être que l'efface est une solution un petit peu plus extrême. Ouais. Mais tenez-vous là pour dit, c'est un truc répandu et paraît-il, ça fonctionne. Dernière petite chose, Landry, Nick, donc Nick Landry, mais K-N-I-C-K, tu sais, qu'on a vu sur Twitter, at NTR37, qui semblait nous accuser de hate, de parler contre Sega ou genre parce que dans des anciens épisodes, tu sais, on était comme bon, ok, Super Nintendo, ce jeu-là, t'es meilleur, sur Genesis, t'es moins bon, blablabla, le son sur Genesis, blablabla. Mais écoute, on veut le dire pour tout le monde, là, on s'est pas rendu compte que peut-être qu'on avait l'air des haters de Sega dans le temps, mais on l'est tellement pas. Toi, Bruno, t'as eu un Genesis. J'ai eu un Genesis, puis j'ai adoré mon expérience sur Genesis. Comme je te disais tantôt, moi, il y a facilement une bonne cinquantaine de jeux que j'ai aimés sur Genesis. C'est ça. Moi, j'avais pas eu. C'est vraiment une bonne console. C'est une excellente console, tu sais. Puis c'est pas genre le Super Nintendo ou la Genesis. T'sais, dans le temps, oui, parce qu'il y avait rien que ça, mais aujourd'hui. C'était la guerre dans ce temps-là. C'était la guerre, mais là, la guerre est finie. Tu peux jouer aux deux, puis c'est très bon, là, les deux, là, parce que les deux ont des jeux vraiment excellents, puis tout vraiment. Ça. Puis écoute, que ce soit la Saturn, la Dreamcast est une puissante console. Là, je veux dire, Sega est là. Là on n'est pas des haters. C'est rien que bon, moi, personnellement, j'étais plus Nintendo quand j'étais jeune. Puis Sega, bon, je les découvre de plus en plus maintenant. Mais ce qui est le fun, c'est que le Genesis, tu peux le découvrir maintenant. Moi, c'est d'ailleurs une de mes missions de Retro Gamer. Là. Okay. C'est de redécouvrir la Genesis. Parce que quand j'ai commencé à jouer à ça... Je louais mes jeux, je les achetais pas. Super Nintendo, je les achetais. Genesis, j'y louais. Okay. C'était comme la deuxième console. Ouais, Super Nintendo, c'était tellement cool que le Genesis, c'était comme... Ouais, j'ai un Genesis, mais c'était comme le bad boy de la gang, le Genesis. Je me dis, tu peux les découvrir maintenant. Puis c'est le fun parce que Genesis, c'est comme moins... On dirait que le monde court moins après. Fait que c'est plus facile de trouver des deals pour du Genesis que pour du Super Nintendo. T'sais. Ouais, c'est plus facile de trouver un Genesis usagé qu'un Super Nintendo en bon état, là, mettons. Là, ça, c'est clair. Puis aussi, tous les jeux de Genesis sont disponibles là, sur la Wii Virtual Console, sur la PlayStation 3, sur XBLA. Des classiques, là, comme on a déjà parlé, Comic Zone, whatever, man, name it, sont toutes là. Là ça fait que c'est hyper là, présent. Là. C'est super facile, puis ça vaut vraiment la peine. Fait qu'on aime le Genesis. On aime le Genesis, le Master System. J'ai un Saturn, écoute, pas de problème avec ça. Ben, Red, je pense qu'à part le PC Gaming, là, puis l'émulation à Rétro Nouveau, on aime tout. Absolument. Il faut être clair là-dessus. Là. On aime vraiment tout. On n'est pas des haters d'aucune compagnie. On n'est pas des fanboys d'une compagnie plus qu'un autre. On aime pas mal tout, on joue pas mal à tout. Puis c'est sûr qu'on peut pas tout vous faire rentrer chez nous, mais si vous rentrez chez Dom ou chez nous, vous allez vous rendre compte de ça assez rapidement. Là, il y a des jeux de toutes les consoles. Yeah. Alright, ben Bruno, parle-nous donc ça avec ton premier jeu cette semaine. Un jeu, moi j'ai joué aux démos là, fait que je suis prêt, vas-y. Moi aussi j'avais joué aux démos, c'est Asura's Wrath. On dit Wrath. Ouais, je le sais, mais j'aime ça le dire tout croche en japonais. Asura's Wrath, non c'est Asura's Wrath. Ouais, Wrath. C'est vraiment ça, faut-tu dire Wrath. Faut que tu mettes comme un F. Comme dans, pour ceux qui ont joué à Magic, là, comme dans Wrath of God. Ouais, exactement. J'ai un passé de Magic. Un passé troublé de Magic. Mais c'est ça, Asura's Wrath, c'était un jeu. Moi, j'attendais ça avec impatience parce que tout le monde disait que c'était une espèce de mélange entre God of War et Star Wars. Mon Dieu. Fait que là. Là moi, j'ai vu ni un ni l'autre. C'est là-dedans. Ça. Ben, c'est surtout à cause de l'esthétique. Parce que Asura, c'est un dieu. Puis il est vraiment puissant. Il est vraiment en crise. Il est vraiment frustré, ce bonhomme-là. Ouais, il fait penser à Kratos un peu, mais plus fâché. Ah, là. Il est vraiment fâché. Ben, il est toujours hors de ses gonds. T'sais. Lui, c'est il a des gonds, mais il s'en sert pas. Il est tout en dehors. C'est parce qu'Asura, tu sais, j'ai fait la critique à Monsieur Net. L'histoire, en gros, c'est qu'Asura, il se bat contre les Goma. Puis, il va se battre avec les sept dieux divins. Mm-hmm. Puis, après ça, quand il va revenir de sa victoire, ben, il va se faire passer pour le meurtrier de l'empereur. Dans le fond, il arrive, puis l'empereur crève, se retrouve avec dans ses bras. Là, tout le monde, trahison, il a trahi l'empire. Tout le monde capote. Puis là, tout le monde le veut mort. Okay. Fait que là, lui est un beau fusil parce que, en même temps, pendant ce temps-là, pendant qu'il était en train d'aller voir l'empereur, ils ont tué sa femme, puis ils ont kidnappé sa fille, puis sa fille, il croit que c'est la réponse à la guerre qui se passe entre leurs clans. Okay. Donc, eux autres sont sûrs et certains que c'est elle la réponse. Puis, bref, tout ça, c'est pour l'histoire. L'histoire est hyper intéressante dans Asura's Wrath. C'est probablement l'affaire qui sauve le jeu, à mon avis. Parce que l'histoire est écœurante. Mais de toute façon, c'est la base du jeu parce que ce jeu-là, c'est un... Ce que le réalisateur du jeu a voulu faire, c'est un gros manga animé. Ouais, hein? Vraiment du Japanimation, mais qu'on puisse y jouer. Mm-hmm. Fait que lui, il a voulu faire de quoi d'interactif. Il a voulu créer un nouveau genre, puis il l'a littéralement dit en entrevue. Moi, ce que je voulais faire, c'est créer un nouveau genre. Il y a du monde qui vont comprendre, il y a du monde qui comprendra rien. Ben, moi, c'est pas que j'ai rien compris. C'est juste que je considère que ce jeu-là a oublié à quelque part d'être un jeu. Oui, hein? C'est ce que j'ai trouvé moi aussi en jouant aux démos. Ben, c'est pas, tu joues pas vraiment, tu sais. Tu fais non, juste comme ça. Peser au bon moment, là, finalement. Oui, t'as un bout où est-ce que tu cours, là, puis tu tires des missiles ou whatever. Mais bon, en tout cas, j'ai juste joué à ça. Là, oui. Je veux pas généraliser. Mais j'ai pas eu l'impression de jouer à quelque chose, tu sais. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, souvent, là, t'es spectateur, là. Tu regardes, ouais. Tu regardes un film, tu sais. C'est vraiment intéressant comment c'est fait quand même. C'est comme des épisodes de manga animés. Fait que c'est vraiment, admettons, un épisode va durer à peu près une demi-heure. Puis eux autres, ils font ça comme des... Ils disent que c'est des sutras, puis il y en a 18. Fait que c'est tous des petits épisodes comme ça. Ça commence, t'as une espèce de recap de ce qui s'est passé dans l'épisode passé. Puis par la suite, à la fin, tu vas avoir un générique vraiment. Fait que c'est vraiment comme un épisode. Fait que ça, c'est le fun. Après ça, quand on sort de ça, eux autres, ils ont voulu faire, ils ont voulu mettre des Quick Time Events, ils ont voulu mettre un jeu de tir à la Panzer Dragoon. Oui. Puis, ils ont voulu mettre un jeu de combat là-dedans. Fait que là, moi, je vais décortiquer ça rapidement. Premièrement, le jeu de Quick Time Events, la grosse faiblesse de ça, c'est que tu n'as jamais aucune incidence sur ce qui se passe. Tes pitons, tu peux peser à n'importe quel moment. Même si tu te trompes, ça n'aura pas d'influence sur l'histoire. Okay. À la limite, dans quelques rares cas, quand je n'ai pas pesé sur le bon bouton, je suis mort. Mais c'est pratiquement pas arrivé. Ça m'est arrivé une fois en faisant mes images de Monsieur Net parce que j'étais en train d'enregistrer mes images puis je me suis dit, bon, je ne suis pas mort une fois pendant les deux campagnes que j'ai faites chez nous. Ouais. Je vais essayer ça ici, voir, je vais me tromper des pitons, tu sais. Je me suis trompé d'un piton, ça marchait. Je trompe d'un piton, ça marche. Une fois, là, ça n'a pas marché, je suis mort. Fait que ça, c'est un peu aléatoire, puis on ne te donne jamais vraiment de pouvoir. Puis tu n'as jamais l'impression que les boutons que tu pèses, tu n'as jamais l'impression, ou en tout cas rarement, juste au moment où tu fesses avec ton poing, que tu pèses sur B comme un maudit mongol, là, tu as l'impression que tu frappes quelque chose, puis tu as une incidence. Mais par contre, toutes les autres fois, tu fais des mouvements un peu aléatoires, puis il se passe des affaires à l'écran, mais t'as pas de réponse, t'as pas la satisfaction, genre de peser sur le bouton, puis le point d'en face, il part. Là. Ben non, ben tu l'as, ça, t'as comme un espèce de petit quick time event, mais il revient tellement souvent que tu réussis tout le temps à le faire de façon excellente. Mais QuickTime, Event, c'est pas comme le faire pour vrai, me semble. Non, mais c'est ça, c'est juste que... Moi, je trouve que les QuickTime Events, c'est comme quand tu t'appuies au bon moment, c'est comme une clé pour débarrer le prochain segment. Ouais. C'est pas genre, à Final Fight, je paye ce bouton, je te crise un coup de katana en face, tu sais. Ouais. Tu comprends? Je sais pas, moi, il y a de quoi que je trouve... Un jeu de QuickTime Event, tu sais... pas un jeu, c'est plate de faire ça tout le temps. Mais des fois, c'est le fun. Je suis pas un grand fan de ça, tu sais. Correct quand ils en mettent par-ci, par-là, tu sais, mais construit. Oui. Mais en même temps, je veux pas... comment dire? Je trouve ça original comme jeu, tu sais. C'est cool qu'ils aient essayé de faire de quoi. On n'arrête pas de chialer que les jeux sont pas originaux, là, tu sais. Ça, c'en est un. Mais je sais pas, c'est pas... Non, c'est sûr et certain. C'est pas le fun, mais... c'est que eux autres l'ont mal fait, les QuickTime Events, à mon avis. Parce que, mettons, un jeu comme God of War ou Heavy Rain, tu sais, dans Heavy Rain, là, c'est juste ça que tu fais, peser sur des boutons au bon moment, mais ils ont une façon d'être inventif avec ça, d'être créatif, tu sais. Tu vas avoir à peser sur ton bouton, mais de façon très lente pour pouvoir avoir le bon mouvement. Si le gars, il fait un jab à gauche... ben tu pèses sur ton bouton à gauche puis il va faire le jab à droite, même affaire. Des fois tu as des combinaisons de boutons à faire dans God of War, puis si tu réussis pas cette combinaison là de façon parfaite, tu recommences au départ. Ça, tu fais pas ça dans Azura's Wrath. Ce que tu fais, c'est que tu pèses des boutons puis tu réussis tout le temps, puis même quand tu réussis pas, eux autres font comme non, merde, t'as pas réussi, puis ils skip, puis ils continuent. Continue l'histoire pareil, c'est pas grave. Tu sais, t'étais supposé tirer 4 missiles, man. Mais là, faut que tu pèses ton piton pour tirer tes 4 missiles. Là, t'as pas pesé, il est pitch pareil. Fuck that. Tout ce que ça change, c'est ton rating à la fin de l'épisode. Il va dire comme accuracy, là, tu l'as pas eu. Là t'es à 30%, mon gars, t'as quasiment pas pesé sur tes boutons. Mais on s'en sac de ça. Ça donne quelque chose d'être super accurate, justement. Pas vraiment. Ça débloque rien. Ben, ça donne juste une satisfaction personnelle, là, vraiment. Parce qu'à part de ça, ça donne absolument rien. Puis, à part de ça, bon, ça, c'est pour les Quick Time Events. Pour ce qui est du jeu de tir à la Panzer Dragoon, encore la même c'est affaire. C'est brouillon, je trouve. Là. C'est vraiment brouillon parce que dans Panzer Dragoon ou dans les jeux du genre, admettons comme Rez, disons, où tu as des jeux de tir comme ça, tu as besoin de précision, tu as besoin de décider c'est quoi la première cible que je vais toucher. Tout ce que tu fais va avoir une incidence, le nombre de missiles que tu envoies, le nombre de tirs que tu envoies. Si tu tires sur un, l'autre va te revoler dessus. Là-dedans, là, c'est sélectionne tout, puis lâche des missiles, that's it, that's all. Puis mitraille partout où tu peux mitrailler, parce que de toute façon, si le monde te fesse, tu crèves jamais. Tu crèves jamais dans Azura's Wrath. T'es tout le temps fort, t'es tout le temps vivant, puis quand tu te fais frapper, ça dérange pas tant que ça. Ouais. Fait que là-dessus, aucune incidence, aucune fucking profondeur sur ce jeu de tir. Fait que là-dessus, un gros zéro vraiment, là. Les Quick Time Events, j'ai eu plus de fun que le jeu de tir. Le jeu de tir est inutile, puis il est vraiment souvent. Ouais. C'est complètement inutile. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Puis après ça, t'as le jeu de combat. Puis le jeu de combat, c'est vraiment cool. Ça fonctionne bien. T'as vraiment des bons combos à faire. Puis en plus de ça, il y a un bon système pour revenir, pour contre-attaquer. Disons que tu te fais frapper puis tu revoles dans les airs. Okay. Moi, j'ai joué sur 360. Tu pèses sur Y, puis là, taf, il tombe à terre, puis il se reprend, puis là, il s'en va fesser. Ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve que c'est une bonne addition. Ça fonctionne bien. Tu te sens puissant quand tu te bats. Puis, tu as aussi une façon de te battre là-dedans, c'est que tu montes ton niveau de rage. À vrai dire, dans Asura, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps genre, il se pompe, il se pompe, il se pompe, il se pompe en se battant, puis là, à un moment donné, paf! Là, il est en beau tabarouette, puis il veut fesser. Puis là, t'as Rage, tu pèses sur un bouton, puis là, comme de fait, Quick Time Events all over again, ouais, tu fais des Quick Time Events, puis là, tu fesses le monstre. Mais ça marche, tu sais. Ouais. Je veux dire, tu te bats, puis là, tu te bats de plus en plus vite, puis tu te dis, all right, on les fesser, moi les avoir, paf, m'a tout détruire. Puis t'as un bouton sur lequel tu pèses que tu peux juste éclater tout le monde autour de toi. C'est le fun à faire, c'est trippant. Problème, c'est que tu joues à n'importe quelle difficulté, tu meurs pas. Tu meurs juste pas, tu sais, même si t'es poche puis tu te laisses sacrer des coups sans arrêt, tu meurs pas. Si tu veux tuer un boss, là, va juste proche du boss, puis fesse-les. Puis quand il arrive pour fesser, de toute façon, ça ralentit. Fait que là, saute à gauche, il va fesser dans le vide. revient devant lui puis fesse-les. C'est aussi stupide que ça, les batailles de boss. Hmm. Fait que parfois, il y a des batailles de boss qui étaient brillantes où tu avais vraiment besoin de faire des patterns, de te tasser au bon moment. Ouais. Mais les grosses méga bébites ou les gros méga boss qui arrivent devant toi, s'ils sont super gros, sont plus gros que toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avancer puis de fesser sur le mognon à quelque part. Puis d'attirer. Tu n'as même pas besoin de te dire « Je vais-tu mourir, je vais pas mourir? » Non, c'est trop facile. Ah, ouais. J'ai essayé le jeu j'ai essayé le jeu aux deux niveaux les plus difficiles. Okay. Puis y a, je pense qu'il y a humain, il y a Dieu, puis il y a divinité ou je sais pas trop. Moi, j'ai essayé Dieu et divinité. Puis je suis pas mort. Okay. Je suis pas mort durant mes deux campagnes. Le jeu dure environ 6 heures okay. quand tu regardes tous les films et tout. Mais le temps de jeu, c'est entre 1h30 oui, et hein? 2 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Complètement ridicule. Puis quand tu regardes ton tableau récapitulatif, là, ouais. tu le vois ça à la fin. Fait que c'est encore plus déprimant de le voir. Ils font comme OK, accuracy 30% parce que j'ai lâché les Quick Time Events. Là, OK, combien de temps de jeu? 1 minute 30. 1 minute 34? What the fuck? Fait que là, tu te dis 1 minute 34, mais là, c'est parce que ça fait une demi-heure que je suis devant ma TV, moi, là. Ben, c'est ça. Mais là, tu peux pas couper ça en plein milieu non plus. Oui, tu peux couper. Ah ouais, tu peux. Ça, c'est. Mettons, t'as envie de pisser ou faut que tu t'en ailles prendre l'autobus. Ben, c'est ça. C'est que moi, ce que j'ai fait pour mes images de Monsieur Net, évidemment, quand on fait des images pour Monsieur Net, on va pas présenter les films qu'il y a entre ouais. les séquences. Je veux dire, le public veut pas voir ça, il va le voir les séquences de jeu. Fait que tu pèses sur Select. Pour avancer les scènes. Fait que j'avançais les scènes comme des malades de même. Puis c'était drôle. C'était, j'ai fait mes images pendant une heure. Je pense que j'étais rendu comme au 10e sutra, tu sais. OK. Tu sais, j'avais fait la moitié du jeu, tu sais. C'est complètement ridicule, ouais. tu sais. Puis c'est drôle. J'écoutais, tu sais, un podcast qu'on aime beaucoup, nous autres, Fun Jouer le Jeu. Ouais. Joël Martel en a parlé. Puis j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça vraiment comique parce que lui, il a trippé. Ouais. Puis. Il a fait une critique d'Uncharted 3, Joël, où il a dit que il avait vraiment pas aimé le jeu parce qu'il se sentait spectateur. Mm-hmm. C'est pas ça, être spectateur d'un jeu. Ouais. Asura's Wrath, c'est être spectateur. T'es complètement spectateur là-dedans. Tu fais pratiquement rien. On te prend pour un imbécile parce qu'on te donne pas de challenge. Tu fais tout puis tu réussis tout le temps. Puis en plus de ça, je veux dire, tu joues moins que tu regardes. Le monde n'arrête pas de chialer sur Internet sur le fait qu'un jeu de 8 heures, c'est un jeu qui est court. Pourquoi le monde trippe sur Asura's Wrath? Moi, je pense que c'est un jeu qui est overrated parce que c'est un jeu de 6 heures, mais tu joues 2 heures au final. Ouais. Le monde a capoté à cause que Journey, c'était 2 heures puis ça coûtait 15$. Ça va te coûter 60$, man! Puis tu vas jouer 1h30, 2 heures. Tu vas acheter du DLC après ça parce qu'il y a du DLC qui va sortir dans pas long. Ouais. Ça va te coûter 25$ pour avoir... Ryu, 15 minutes Ryu de plus. Qui se bat contre Akuma ouais. en passant. Ça, c'est très cool. C'est très mais... cool. T'sais, c'est... Puis Asura's Wrath, tout l'environnement, là, tout l'univers qu'ils ont créé. C'est très beau. C'est malade. Ah ouais, moi, je trippe. Là. C'est gigantesque. Je pense que c'est ça que Joël. Tu sais, Joël, il y a un fétiche sur les grosses affaires. Là. Ouais. Donc, là-dedans, ça n'est que gros dieu, ouais. gros comme des comme trois planètes. Là, puis mais ça, j'ai trippé, ça, moi. Ça, c'est malade. C'est le fun à regarder. C'est malade, mais. C'est ça. Mais tu joues pas. C'est ça, moi je joue à des jeux vidéo pour jouer. J'ai ouais. pas le goût de regarder un jeu. Puis Metal Gear Solid 4, c'est ça qui ouais. m'a fait décrocher. Ben oui. J'aurais pas donné de mauvaise note pour autant parce que Metal Gear Solid 4, contrairement à Asura's Wrath, il t'en donne autant, sinon plus, que ce que il tu vas regarder. Il donne pas mal plus de gameplay quand même. Il donne pas mal plus de gameplay, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quand même un juste milieu. J'espère qu'Asura's Wrath 2 va sortir. J'espère que les gens seront pas assez dupes pour payer les 25-30$ de DLC qu'il y a pour passer peut-être un 15 minutes de plus sur ce jeu-là. C'est une location, tu sais, faut que tu loues ce jeu-là, tu tripes. Si tu tripes ces mangas japonais, tu vas vraiment triper, là, mais tu tripes pas parce que tu joues, là, c'est impossible. Puis si tu tripes parce que tu joues, sérieusement, tu as besoin de jouer à pas mal plus de jeux parce que c'est pas là-dedans que tu vas aller chercher une expérience grandiose qui va te rappeler tes meilleurs jeux vidéo. Là. Non, c'est clair. C'est une bonne expérience, mais c'est pas une expérience de jeu mémorable. C'est une expérience point. Mm. Fait que c'est ça. Moi, j'ai donné un 5.5 sur 10 à Monsieur Net. C'est ma deuxième déception de l'année. La première étant... J'arrive pas à me souvenir. C'était... C'était Never Dead. Never Dead, ouais. Fait que, tu sais, Never Dead est juste à côté d'Asura's Wrath pour moi. Pourtant, Never Dead, j'ai quand même joué pas mal plus que ce que j'ai joué à Asura's Wrath. Fait que, that's it. Mm. Puis toi, t'as joué à quoi? Hey boy, là, tu viens de te vider le cœur. Mais ça, excusez, là, j'avais vraiment besoin. Prends une petite gorgée, j'en prends une, moi aussi. Mm. Ah. Ben moi... Fais-tu bien. Moi, avec tout ce déménagement-là, j'ai pas joué à grand-chose. Et ça, même si on a sauté une semaine. En fait, je viens de mettre la main sur un paquet de jeux, tu sais. Puis là, j'en ai taponné quelques-uns, là, mais très peu, tu sais. Fait que je veux pas en parler tout de suite. Ben, je veux attendre d'être rendu un peu plus loin dans les jeux auxquels je joue présentement. Oui. Mais j'ai quand même pris le temps d'ouvrir ma Wii. Puis ça faisait longtemps. J'allais sur le Wii Store. Oui. Puis il y avait des démos. Il y avait des démos, man. Fait que sur le WiiWare. Sur le WiiWare, c'est ça. Puis c'est le... Et s'appelle-tu le Wii Store? Ben, ça s'appelle... je pense que c'est... Oui. C'est quoi, donc? C'est des Wii... Tu sais, c'est des WiiWare. C'est la boutique. Non, la boutique. La boutique, oui. C'est la boutique, oui. La je boutique. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment, moi non plus. Moi, je la pars, puis j'attends tout le temps que ça load, parce que ça prend une éternité. Puis là, il faut que c'est... Je m'en vais dans mon salon. Ben écoute, il y avait des démos. Ouais. Fait que j'ai downloadé des démos. Puis le premier, je m'excuse de la ramener encore avec ça, mais j'aime tellement ce jeu-là. Puis j'avais pas essayé en WiiWare. C'est Cave Story. Ah, c'est que t'es fatigué. Bâtard. Ça, c'en est un d'ailleurs. Je joue à 3DS à Cave Story 3D présentement, mais je veux pas en parler tout de suite parce que je suis pas rendu assez loin. Ouais. Mais j'ai downloadé le démo. Oui. Puis écoutez, c'est genre un des très très grands jeux indépendants, tu sais, qui est très populaire, très connu. Puis. Il est juste à Wii. Il est juste à 3DS, tu sais. Ailleurs que sur PC, dans le fond. Donc, c'est clair que j'étais bien content d'essayer ça. Parce que moi, j'ai découvert Cave Story avec la 3DS. Ouais. Je savais même pas, tu sais, que la Wii l'avait eu, là. C'est à quel point. Oui, ils l'ont eu bien avant ça. Bien avant ça, c'est clair. Là. Ouais. Je checkais peut-être moins les nouvelles dans ce temps-là parce que je l'avais pas vu passer pendant tout, là, tu sais, ou je savais peut-être pas. Moi, j'avais joué, on était supposé en parler à Monsieur Net, finalement. Pas parlé. Non, mais je pense que ça c'était sorti durant l'été. OK. Nous autres, pendant l'été, il y a plein de jeux qu'on est comme... On veut en parler, mais on n'est pas en onde. Fait que... Ouais, ça, c'est un sale bon jeu, en tout cas. Puis le démo m'a pas déçu, mais j'ai peur de ce démo-là un petit peu, au sens que ça... J'ai pas l'impression qu'il livre une totale expérience du fun que tu peux avoir à jouer à Cave Story, par exemple. Parce que quand tu commences dans le village, là, ils te font gosser un petit peu, aller chercher une clé par-ci, aller de l'autre bord, aller là, tu sais, puis ils te font essayer un gun ou deux, tu sais, ils montrent un peu le système d'armement, les power-ups de gun, puis tout, mais, tu sais, c'est tellement plus que ça, c'est tellement profond, l'histoire de ça, c'est tellement, et ça brasse, là, tu sais. Mais c'est comme une démo de Metroid, ça serait impossible, tu sais. Ben, c'est ça, mais il y en a pas beaucoup, tu sais, mais écoute, ils présentent les personnages, puis tout, puis c'est bien correct. Mais moi, sachant ce qu'est Cave Story, tu sais, je trouvais ça bien bon. Mm. Mais je serais curieux de voir. Puis s'il y en a qui l'essaient, allez downloader le démo, là, tu sais, essayez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce démo-là vous donne le goût de jouer? Parce que c'est quand même 12$. Quand même. Sur la 3DS, c'est 10$. Mm-hmm. Mais bon, moi, je pense que ça vaut la peine. Je ne l'achèterai pas parce que je l'ai déjà fait sur la 3DS, là, de toute façon. Mais je pense que ça peut valoir la peine sur la Wii. Puis, je vais vous énumérer quelques points. Premièrement, la première chose qui m'a frappé, c'est la musique. La musique de Cave Story est juste vraiment excellente. Sur PC et sur 3DS. Mais ça, oui, ils ont fait un genre de remix. Puis même sur Cave Story 3D au 3DS, ils ont fait un remix. Mais le remix de la Wii, la musique est pas bonne. Tout le jus, tout le c'est comme hyper dynamique, là, tu sais. Puis c'est comme de la musique chiptune, là. C'est comme rétro au max comme sorte de musique. Là, ils ont comme jazzé ça, là, tu sais. Puis ils ont enlevé le rythme de la musique. C'est hyper dégueulasse. Puis en plus, ils ont comme, je sais pas, ils l'ont comme enregistré pas forte. Fait que là, t'as comme le bruit de ton gun ou de whatever ce qui se passe, c'est super fort. Puis la musique est tout le temps effacée en background. T'es comme, j'essaye d'écouter la musique, il y a un boss qui arrive, la musique, elle descend. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh, c'est hyper décevant, tu sais. Mais... Ça peut que ce soit un bug de démo aussi. Ben, peut-être, si telle chose arrive. Ou c'est peut-être ma TV, je sais pas, mais c'était pas correct. Mais tu peux choisir dans les options au début de mettre la musique originale. Alors... Okay. de grâce, faites ça. Okay. Vous allez avoir la vraie musique, là, tu sais. Ah ouais, ça, c'est vraiment un peu bizarre comme choix, par exemple. Ben, en tout cas, ils ont composé de la musique, c'est nouveau, on va faire de la musique pour la Wii, tu sais, on va tweaker, on va faire des remixes, mais tu sais, quand c'est tes remixes sont pas bons, essaye de t'en rendre compte, c'est là, ça. C'est pas faire des remixes pour des remixes, là. je l'ai pas catché pendant tout, puis, mais la musique est encore faible. Alors aussi, aller dans les options et booster la musique, tu sais, pour en avoir plus, là. Puis, tu peux choisir aussi entre le look classique et le nouveau look qu'ils ont fait. Le look, puis quand tu prends le nouveau look, tu sais, c'est comme... C'est un jeu à l'allure... C'est combien de bits? Comment est-ce qu'on dirait? Ben, c'est un 16 bits, celle-là, je pense. Ouais, genre, mais sans effet de lumière de Super Nintendo. Tu sais, c'est quand même flat, là. Mais c'est un look très, très, très rétro. Puis, ils ont fait un look... Ils ont gardé ce look-là, mais liché un peu pour la Wii. Ils ont comme arrondi les coins, un peu. Ça fait la job. Oui. Très bien. Mais tu peux jouer aussi version old school, là, pas liché pantoute. Là, t'as des gros pixels, là, tu sais. C'est pas le fun, pantoute, là, tu sais. Je capte pas, là. C'est herc, c'est désagréable au max. Alors, mon meilleur mix, nouveau graphique, vieille musique, mais boosté. Fait que là, vous allez vraiment avoir totalement une bonne expérience de Cave Story sur Wii, là. Vraiment. Sinon, quoi d'autre? Ben, c'est tout, je pense. Non, mais c'est un excellent jeu de toute façon. Je pense que le monde devrait acheter ça les yeux fermés. Là. C'est ça. Ben écoute, c'est un 12$. Bon, mais si vous aimez. Mais c'est bien investi quand même. C'est bien pour investi. Le temps que tu passes dessus. Tu passes beaucoup de temps là-dessus. Puis c'est un peu comme Castlevania Symphony of the Night. Tu le passes, mettons, ou t'es rendu à la fin. Là, tu te rends compte, en regardant des vidéos sur YouTube, mettons, comment ça, lui, son bonhomme, il booste à l'horizontale. Puis moi, je booste pas. Ben, c'est parce que là-dedans. T'as des événements que tu passes ou ce que tu fais influence ce que tu peux avoir ou pas, tu sais. Mm-hmm. Si tu décides de changer ton machine gun à un moment donné à une fille, ben là, trop tard, tu sais, ton gun, tu y as donné. Fait que plus tard, l'autre gars qui te l'aurait boosté, il pourra pas le faire, tu sais. Tu comprends? Fait que tu finis le jeu, tu dis « Fuck, j'ai donc bien manqué des affaires, tu sais. » Fait que tu le rejoues, tu sais. C'est un jeu comme vaste, là, à ce niveau-là. Ouais. Puis l'histoire est écœurante, les personnages sont super cool. Ouais. Donc, allez essayer le démo. Puis mettez-le comme je vous dis. Laissez-vous pas là, décourager par la mauvaise musique qu'ils ont mis. Ah, c'est bon. Moi aussi, ce soir, à Monsieur Net, j'ai parlé de Mario Party 9. Oui. Mario Party 9, qui est un jeu... moi, ben franchement, après le 8, j'avais donné un 6 à Monsieur Net ou un 6.5. OK. J'étais quand même assez déçu. Je trouvais que la licence commençait à vraiment s'essouffler. Ben, tu sais, commencer. Ça fait un bout que ça s'essouffle, Mario Party, quand même. Là. Ouais. Puis, je veux dire, une collection de mini-jeux avec des plateaux comme ça, comme les jeux de société, c'est pas évident à faire de base, là, je l'avoue. Mais quand même, ça serait le fun qu'il y ait de quoi de mieux. Ben franchement, j'y pensais quand j'avais fait ma critique du 7 et du 8. Je me disais, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux dans le fond? Il pourrait améliorer les plateaux peut-être. Puis il pourrait peut-être améliorer le rythme du jeu. Le rythme n'est pas assez bon. Mais dans Mario Party 9, ils ont amélioré tout ça et plus encore. Ah oui? Fait que c'est vraiment là, c'est le fun parce que c'est pas juste un petit on fait un petit coup de cash avant de sortir la Wii U là. Mm-hmm. C'est vraiment cool, c'est un jeu qui est bien ils fait. Ils ont passé beaucoup de temps là, à ils le ont tweaker. Passé beaucoup de temps là. Les plateaux sont super intéressants. À place de s'en aller à gauche puis à droite dans n'importe quel univers aussi, ils ont décidé de rester dans l'univers de Mario. Okay. Fait que c'est tous des trucs thématiques à Mario, même les mini-jeux. Des mini-jeux, des fois, tu te retrouves, whoop, là, je suis dans Super Mario Sunshine, whoop, je suis dans Super Mario 3D Land. Ah, c'est cool. Je suis dans Super Mario Bros. 1. T'as tout le temps comme cette espèce de thématique-là qui revient. Même il y a un tableau, t'es dans Mario Kart, là, direct. C'est jamais dit, c'est jamais exactement comme dans ce jeu-là, mais tu le sens puis tu le sais, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça, mon gars, malade. C'est vraiment le fun, tu sais. Puis je veux dire, on peut dire puis se faire des accords autant qu'on voudra, là, mais on est tous nostalgiques puis on tripe tout à avoir ces espèces de références ces de Nintendo. Ces choses-là nous font là, tellement t'sais. Plaisir. Là. C'est ça. Fait que là-dedans, ils t'en donnent vraiment beaucoup. Puis une autre chose qu'ils ont réglé, qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'avant, t'étais quatre joueurs, mais c'était comme chacun son tour. Puis tu sais, il y en a un, OK, le premier avance à la case 3. Après, l'autre, il frappe le dé. Oups, il avance à la case 2. Là, ça ne marche plus comme ça. Maintenant, tout le monde est dans un véhicule. Fait que là, tout le monde est dans le char, puis tout le monde joue à tour de rôle, mais on joue de façon coopérative en termes qu'on avance sur le trajet, fait qu'on finit le plateau plus rapidement, mais on est quand même un contre l'autre parce que dans les mini-jeux, on va se battre, puis il y en a d'autres qui vont comme « Oups, là, toi, tu gagnes moins d'étoiles parce que là-dedans, tu gagnes des étoiles. » Fait que tout le monde arrive à la fin en même temps, vu qu'on est tous dans le même char, mais c'est celui qui a le plus d'étoiles qui gagne. Exactement. Okay. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'à la fin, comme à peu près toutes les Mario Party, ça peut changer aussi le cours des choses. Comme, mettons, ils vont dire celui qui a été le plus malchanceux, lui, fait que lui, il gagne 15 étoiles. Ah ouais, ah, c'est le fun ça. Même si t'es le meilleur, faut vraiment que t'aies une bonne avance sur les autres pour être le meilleur, puis te dire, ben, moi, je vais gagner, c'est sûr et certain. Et jamais sûr de rien dans ce jeu-là. Puis ça, je trouve ça le fun. Ouais. C'est un peu, tu sais, c'est basé, c'est sûr et certain que quand tu joues en solo, c'est basé sur la chance, tu sais, parce que c'est un ordinateur qui. Mais t'as quand même du fun. Ça aussi, c'est le fun. Parce ça que joue en solo aussi? Oui, ça joue en solo. Okay. Puis pour une fois, c'est bien fait en solo. Okay. Tu sais, t'as du fun en solo. Puis en plus de ça, en solo, quand tu fais tous les tableaux, ils vont faire du mix and match un peu. Tu sais, comme au début, t'es dans une voiture, puis t'es à quatre joueurs. Après ça, tu te retrouves, mettons, dans une cave où il y a de la lave. Puis là, tu vas te retrouver à trois joueurs. Puis les trois joueurs ont une instance, dans le fond, là-dedans, t'as comme deux joueurs qui sont des bons joueurs, tu sais, mettons, du camp de Mario. T'en as un autre, admettons, c'est un espèce de petit magicien qui travaille pour Bowser. Fait que si c'est lui qui gagne, ben il te fait perdre la partie au complet, tu sais. Fait qu'il est dans ta gang, mais il est contre toi, puis tu le sais, tu sais. Puis ça, c'est le fun, cette espèce de dynamique-là que des fois, t'es à deux joueurs, des fois, t'es à trois joueurs, des fois, t'es à quatre joueurs. Puis une autre affaire aussi qui est le fun des plateaux, c'est que les plateaux, ils ont tous une mécanique différente. Un moment donné, t'es dans une espèce de factory de Bob-ombs. Okay. Puis des fois, les cases se mélangent puis vont se déplacer. Dans le truc de magma, c'est le fun parce que t'es comme dans un gros volcan. Puis t'arrives sur des cases, puis là, la lave monte. Puis là, toi, faut que tu passes des cases au plus vite. Sinon, tu te fais pogner puis tu perds des étoiles. T'sais. Plein de façons inventives comme ça de rendre le jeu pas mal plus dynamique. Puis, en plus de ça, une nouvelle affaire, maintenant, ils ont ajouté des boss. OK. Les boss, c'est vraiment trippant. T'sais, ils ont mis tous les boss, des boss classiques là, de l'univers de Mario. Fait que c'est super le fun, tu sais. Comme il y a un gros Bob-omb, admettons l'espèce de chomp-chomp, là, l'espèce de grosse boule, le boulet sur une chaîne, enchaîné, là, avec des dents. Il y a lui qu'il faut que tu te battes. Faut que tu te battes contre la qui tue. Que tu te battes contre l'espèce de gros chenille dans Super Mario Land. Mario World. Ouais. Pogne les nerfs quand tu y sautes sur la tête. C'est ça, tu sais. Tu te bats contre un méga gros poisson. Tu te bats contre Bowser. Tu te bats contre tout ce monde-là. Puis t'as aussi Bowser Jr. qui revient souvent. Ouais. Puis que tu te bats contre lui. Puis c'est le fun. Ça reste tout le temps dans l'univers de Mario. T'as l'impression de jouer à une quête, de jouer à quelque chose qui fait partie de l'univers de Mario, au lieu de jouer à quelque chose que tu te dis, ben ça, c'est juste un coup de cash, puis c'est pour jouer en famille, puis ça finit là. Mm-hmm. Sérieusement, même si t'as pas de chum pour jouer avec toi, tu vas avoir du fun à jouer à ce jeu-là. Okay. La seule affaire qui est dommage, c'est qu'il n'est pas en ligne. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça qu'il soit en ligne, parce que justement, quand t'es tout seul chez vous, ça pourrait être le fun de te faire un party avec trois dudes en Australie, tu sais. Ben oui. La titre, là, ça serait juste le fun de jouer avec des vrais humains au lieu de jouer avec l'ordinateur, tu sais. Mais sinon, sérieusement, achetez ça. C'est un super bon jeu de Wii, mais c'est un super bon jeu, point. C'est vraiment super le fun. Puis si vous êtes nostalgique de Nintendo, il vous le faut, tu sais, parce qu'il y a tellement de références aux vieux jeux de Mario, mais là, on reste dans l'univers de Mario. Dans le 8, il y avait des références à des singes. Un moment donné, tu étais dans une ville, puis il y avait des espèces de Français avec des baguettes, puis c'était n'importe quoi, tu sais. T'avais rien, t'avais aucune référence là-dedans. C'est casé, c'est pensé. L'histoire est mauvaise, mais on s'en sac. Oui. Mais le reste, c'est vraiment solide. Fait que achetez ça. Wow. Ben écoute, achetez le jeu à Bruno, mais n'achetez pas le jeu dont je vais vous parler dans quelques instants. Toujours dans ma folie de jeu Wii, de démo Wii. Oui. C'est un jeu, ça, il était comme super ranké, là, ben haut, tu sais, comme il était dans les highlights, là. Ça s'appelle... OK, ouais, attends un peu. Ava? Aya. Aya and the Cubes of Light. Oui. Oui. Tu connais tout ça? Je connais de nom, puis je ne l'ai pas essayé, mais j'avais déjà vu ça parce qu'il était... Il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Essaye ça, puis and yet it moves. » Fait que c'est comme... And yet it moves? Ouais, and yet it moves, c'est sur WiiWare. Ah oui, ça me dit le tableau chose, bouge, titre, mais pas toi. OK. C'est un peu ça. Ben, en tout cas, Aya and the Cubes of Light. Écoute. écoute. C'est pas bon? C'est spécial, c'est spécial. T'es une Gerda. Non, écoute. Il y a des genres de... Les tableaux sont faits comme des cubes. OK. Qui volent, qui sont dans l'espace. Ah. Puis toi, t'es une fille, au travers de ce cube-là, tu sais, il y a des chemins un peu tout en surface, là, tu sais, fait que tu te promènes au travers de ça, puis faut que tu ramasses des petites boules de lumière, puis que tu pognes la clé à la fin, puis que tu sors. Fait que c'est un puzzle, c'est un jeu de puzzle. Bon. Fait que c'est pas compliqué, ça. Mais c'est tellement mal fait, mon gars, là. Okay. C'est tellement horrible, là, le contrôle. Premièrement, c'est comme un jeu qui a été fait par une compagnie qui s'appelle... Ouais, c'est quoi la compagnie, développeur? C'est ça. Ça s'appelle Object Vision. Okay. Puis eux autres, ils ont le logo le plus laid que j'ai jamais vu. Puis on dirait... Je suis allé sur Internet essayer de faire un peu de recherche là-dessus. Okay. Puis c'est une compagnie dans une langue que j'ai pas réussi à comprendre. Oh! Langue européenne. Puis j'ai vu sur Nintendo Life... un site, ça, Nintendo Life, eux autres qui ont boosté ce jeu-là au max, man. Ils ont mis 7 sur 10, une entrevue avec le gars de Object Vision. Mais tu sais, 7 sur 10 en même temps, c'est Le fun, mais c'est pas un non, gem. Mais là, c'est ça, t'sais. Mais ça dit quand même que c'est le fun. Oh, mais ça dit quand même moi c'est j'aurais fun. Donné genre 1.5. Oh là, boy, OK, à ce mais c'est ça, mais le gars de la compagnie Object Vision disait ah oui, eux autres font d'autres choses d'habitude. Mais là, ils ont décidé, quand ils ont vu la Wii, de faire un jeu sur la Wii parce que c'est cool, tu sais, de jouer en bougeant tes mains. Ils n'avaient jamais vu ça. T'sais. Fait qu'ils ont décidé de faire un jeu avec ça. Les autres ont fait des cabanes à moineaux normalement. Là, on a décidé de développer un jeu. Ils sont quand même jeu. Dans l'informatique, là, mais c'est ça. Ils ont décidé de se lancer. Puis, dans le fond, pour faire avancer ton père, tu as besoin du nunchuck. Ouais. Tu fais avancer avec le nunchuck. Okay. Pour sauter, tu donnes un coup avec ta Wiimote, tu sais. Tu waggle. Tu waggle. Moi, je disais souvent, dans mes premières critiques de Wii à Monsieur Ness, je me trompais tout le temps, puis je disais, tu branles ta Wiimote. Ben, c'est ça. Parce que c'est un peu ça. C'est un peu ça que tu fais. En anglais, c'est shake the Wiimote, ouais. Mais là, en français, ce serait branle, mais on dit shake. Ben, tu donnes un coup, finalement. Ça fait sauter ton personnage. Ouais. C'est tout. T'as pas d'autre contrôle, tu sais. Ben, mais... La façon que c'est fait, quand t'as des rampes tout autour du cube, là, c'est dur à expliquer, mais quand ton personnage il marche normalement, là, il y a une rampe qui fait que genre elle monte sur le mur. Fait que là, elle suit la rampe, puis whoop, d'un coup, elle marche à l'horizontale. Okay. Elle marche sur le mur, là, finalement. Okay. Puis elle marche sur le plafond, puis elle marche un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas de guide de loi de la gravité là-dedans. La gravité est super fuckée, tu sais. Okay. C'est comme. Là, quand t'es rendu sur le côté, tu jump, mais. Tu sais pas il est où ton axe de gravité. Tu sais pas à partir de où ton personnage est rendu qui colle au plafond, tu sais, ou à donc terre. Bien compliqué. C'est super mal fait. Okay. Tu sais, c'est un jeu qui ont comment dire, ils ont pris nunchuck, tu sais, ils ont fait « faut que tu branles ta Wiimote ». Mais tout ça n'était pas nécessaire, mais pas deux crises de seconde, tu sais. T'as pas besoin de rien là, pour jouer à ça. Sur là. A ou sur ben deux, voyons, c'est là. Horrible de sauter là, en donnant une shot avec ta Wiimote. Ouais. Ça marche pas bien. Ton personnage, la façon qu'il est animé, est en slow motion tout le temps. C'est super long, avancé. Oh, le graphisme est tellement comme... cheap, là. C'est cheap, là. C'est laid, tu sais. C'est brouillon au max. Son personnage est loin, tu sais. Oh, c'est vraiment de la merde à ce niveau-là. Tu sais, puis t'as comme une... Pour voir autour du cube, tu sais, pour voir c'est quoi toutes les faces du cube, ouais. Tu payes sur A, puis là, tu peux bouger ta Wiimote, tu sais, puis là, ça fait tourner autour du cube, là, okay. Tu sais. Mais bon, c'est encore lisse, là, de ce que l'autre bord anyway, là, tu sais. Moi, j'ai pas eu vraiment besoin de ça. Mais... Tu sais, quand tu fais ça, t'as une petite main là, qui apparaît comme quand tu pointes ta Wiimote à l'écran. Mais cette main-là, quand t'as vu, tu sais, elle est jamais là. Je sais pas si tu comprends. C'est... Habituellement, t'es juste dans ton interface de Wii. Tu pointes ta manette, la petite main, elle apparaît. Mais la main, elle apparaît pas. Okay. Tu sais, il faut que tu gosses et que tu pèses sur un. Mais où la main? Pourquoi la main n'est pas là, tu sais? Ça va super mal. Puis quand t'arrives à la fin du stage, il faut que tu ramasses un truc et tu l'insères dans la porte. Puis là, il te donne un genre de graphique que j'ai pas compris. Okay. Il montre la Wiimote, puis toi qui tiens la Wiimote, dans le fond, ils disent, on dirait insère, comme s'il fallait que tu pousses ta Wiimote vers l'écran, puis que tu tournes. Comme si tu mettais une clé dans une fente, tu sais, puis que tu tournais. Mais essaye de faire. Puis la main, elle apparaît pas, là. Fait que tu n'as pas de gauge, tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire vraiment. Puis en haut de ce carré explicatif-là, il y a un 1. Tu sais, sur une Wiimote, tu as un 1 puis un 2. Ouais. Mais ils disent aussi, paye sur B. Fait que là, il faut que je paye sur 1 ou il faut que je paye sur B. Puis là, il faut que je tourne en même temps. Là, hey man, juste, c'est tellement de la merde, tu sais. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à ouvrir la porte pour finir le premier stage. Rendu au deuxième stage, je l'ai fait complet. J'ai jamais réussi à ouvrir la crise de porte. Je comprends pas le mécanisme qu'il faut que tu fasses. Puis j'ai cherché sur Internet. Hey, ça atroce, c'est pas savoir comment. C'est dégueulasse le contrôle. Je suis même pas capable d'ouvrir la porte pour finir le tableau, tu sais. Puis, tu sais, comme pas de musique, des monstres, un genre de monstre vraiment laid là, qui traîne à terre, tu sais. Quand tu meurs, c'est long. Puis tu meurs souvent parce que c'est super mal synchronisé, là, tu sais. Tout est de la marde, là. C'est le pire jeu de marde là, auquel j'ai joué, mon gars, dans les 10 dernières années. Je suis vraiment. Je te jure que là. C'est de la vraie dompe, là. Puis je mets au défi n'importe qui de se pogner cette démo-là. Qui pèse une tonne d'ailleurs. C'est tellement pourri, là. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui dise que ça, c'est bon, tu sais. Si ça. Mettons, c'était. La version complète, peut-être, je sais pas. Peut-être que je hate trop vite. Mais écoute, j'ai fait les deux premiers niveaux. Mais c'est. Tu disais que ce que tu connais pas, tu l'haïs. Non, mais c'est pas. Fuck this game. C'est pas moi, mais fuck this game d'aplomb. Mais écoute, moi, là, je joue à des vieilles affaires dans la vie. Là, j'ai pas besoin que ça soit beau, puis j'ai pas besoin pour triper. Mais je vois pas comment tu peux triper à jouer à ça. Le mélange de tout ce. C'est rien que de la merde, c'est une salade de merde, tu sais, comme salade. Il y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne avec ça, tu sais. Je l'aurais peut-être pardonné s'il était sorti en même temps que la Wii, mettons, ça avait été premier WiiWare ever test, genre, puis là ils ont dit OK, ils ont fait un test. Là, j'aurais dit bon ben ils ont essayé, tu sais, mais ils contrôlent pas tout à fait. Mais je pense que c'est sorti en 2011 là, tu sais. Okay. L'année passée, genre. Oh, yeah. Non, il y a aucun pardon là, c'est le pire jeu de merde que j'ai joué depuis un méchant bout, man. Wow. C'est vraiment fou. Et le pire, c'est que je pourrais même pas le mettre dans ma déception de l'année ou whatever, parce que j'ai juste t'as joué juste au démo. Démo. Mais en tout cas, allez vous downloader ça, rien que pour niaiser, puis boy, vous allez voir à quel point c'est de la dompe. Oh, ça m'est triste. Les gens qui vont vouloir continuer d'avoir de la hate contre Nintendo, genre, puis rire de la Wii, tu sais, ils ont juste à se downloader ça, ça va leur donner des munitions. Fuck this game. Moi, je vais vous parler de Resident Evil Revelations parce que j'ai joué à ça sur la 3DS. Je n'ai parlé un peu dans un épisode précédent parce que toi, tu m'avais dit que tu avais essayé des démons et c'était de la marde. Ben, je sais que c'est pas ça. Au contraire de Aya, je sais que c'est pas un jeu de marde. Ouais. C'est juste moi qui n'ai pas été patient. C'était un peu comme Cave Story. Tantôt, tu disais le démo. C'est ça. Bien ce qui est. Mais tu sais, moi, Cave Story est un style de jeu qui me parle beaucoup plus que, mettons, Resident Evil. Mais je suis tout à fait conscient que ça, c'est probablement un très bon Resident Evil. Là, mais c'est non seulement c'est un très bon Resident Evil, mais c'est un bon jeu. Tu sais, c'est. Moi, Resident Evil, c'est pas une licence qui m'attire. Ouais, c'est ça. Je trouve ça bien, Resident Evil, mais dans un sens, j'en ai rien à foutre aussi. Tu sais, je suis pas hyper excité. Tu sais. Ouais. Comme là, j'ai hâte que le 6 sorte, mais en même temps, je l'achèterai pas le premier jour. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas un gameplay qui m'attire tant que ça. Pourtant, sur la 3DS, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, surtout avec le deuxième Circle Pad. Ouais. Ça, c'est le jeu canon pour jouer avec ça. J'ai trouvé que l'intelligence artificielle dans Revelations était bonne. Okay. Ton allié, il fonctionne super bien. Il t'aide à tuer les zombies. Fait que ça marche. C'est pas juste des zombies. Dans Resident Evil Revelations, il y a bien des bébites. Okay. C'est même qu'à la limite, il y a pratiquement pas de zombies. C'est plus comme des espèces de grosses bébites mutantes weird qui sont gélatineuses puis qui font du bruit. Mais non, j'ai trouvé ça cool. Puis j'ai trouvé ça le fun aussi qu'à chaque niveau, tu changes de setup. Il y a tout le temps comme une espèce de grosse enquête qui se fait dans un sous-marin. Mais on va aussi, tu sais, comme dans le temps, avant, après, par une différente équipe avec... c'est quoi, je suis désolé là, mais c'est Chris Redfield puis la fille que je me souviens plus pas en tout c'est quoi son nom. Jill? Je me souviens plus de Jill Valentine. Mais c'est-tu Jill Valentine? Ben, t'as envoyé ça sur le blog oui. Aujourd'hui. Ouais, là, c'est Jill Valentine. De... Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on voyait son cul en 3D. Ouais. Non, c'est ça, c'est elle. Puis un autre gars qui a juste l'air de Chris Redfield, mais qui pèse 400 livres. Mais wow. Ces trois personnages-là, on jongle un peu avec eux autres, puis on va jouer différents personnages durant le jeu. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. À un moment donné, on est sur la plage. À un moment donné, on est en dessous de l'eau. À un moment donné, on est au-dessus de l'eau. On est dans une espèce de grosse maison grandiose. Bref, on se promène beaucoup là-dedans. Okay. Le jeu de tir est excellent. L'ambiance sonore est super bonne. Puis, il y a quand même du va-et-vient dans ce jeu-là. Là, tu sais, je veux dire, on va revenir sur nos pas une couple de fois. Puis, on va essayer de trouver des affaires. La seule affaire que j'ai été déçu, c'est la carte dans ce jeu-là. La carte est un peu mal foutue parce que c'est une espèce de... Tu sais, les cartes en 3D, là, comme dans les films des années 80, ouais. Là, que tu avais le plan de la factory puis qui disait, là, on va planter la bombe là. Mais c'est ça, tu sais. Ça, c'est un peu mal fait parce que tu veux tourner autour du plan, ouais. Mais des fois, le 3D le permet pas, comme pas le 3D, l'effet 3D visuel, mais le 3D software okay. le permet pas parce que genre, oups, t'es rendu au bord de l'écran, man. Là, tu peux plus tourner parce que t'as cote dans le bord de l'écran. Mm. Comme weird, tu peux pas voir ta carte comme du monde. Mais sinon, pour ce qui est de changer tes armes, ça se faisant, le jeu de fusil est super intéressant. Pas énormément de stress, ben franchement. Là. Ça se fait bien. L'ambiance sonore, sérieusement, dans le premier tableau, ça peut donner à la chienne, sérieusement. Okay. C'est quand même assez intense, là, l'ambiance sonore. Mais par la suite, pour moi, c'est comme un jeu d'action. T'es pas si stressé que ça, mais quand même, t'as un bon défi, puis t'as quand même un stress de finir, mais t'as pas un stress horrifique, j'ai peur, je veux pas jouer à ça le soir. T'sais. OK. Fait que c'est super le fun. Je vous conseille pas d'y jouer sans le Circle Pad Pro, même si c'est faisable, ça y va. Tu peux jouer avec ça, puis ça va fonctionner. Ça va bien fonctionner. Ouais. Mais le Circle Pad Pro ajoute tellement à ce jeu-là, là, mon gars. Là, c'est comme si c'était un autre jeu. Okay. Ça joue tellement mieux. Là, c'est... Les third-person shooters, à mon avis, ça joue avec deux joysticks. Parce que sinon... Sinon, c'est les quatre boutons qui font la direction. Même pas. Non? Là-dedans, la façon que ça fonctionne, c'est que la direction où tu vas décide de la direction où tu vises. Okay. Fait que c'est... Ça va un peu mal, tu sais. C'est pas aussi précis. C'est plus restrictif. C'est ça. Puis, tu sais, si tu veux faire des headshots, des trucs comme ça, ça va trop mal, là, juste avec un joystick. Fait que ça vaudrait la peine, sérieusement, là, d'acheter Resident Evil Revelations plus le Circle Pad Pro pour avoir une super bonne expérience. Le jeu est quand même assez long. Je l'ai pas fini, je joue encore. OK. Puis, c'est long, là. Tu sais, j'ai quand même bien du fun, puis c'est quand même très long. Puis, l'histoire est comme plus ou moins intéressante, mais bon, c'est Sega, c'est Resident Evil. J'ai jamais trippé ces histoires. C'est pas Capcom? Non, c'est Capcom, excuse-moi. Ouais, okay. C'est pas Sega, excuse-moi. Non, c'est vrai, c'est Capcom, mais... C'est pas terrible comme histoire, puis il y a des personnages qui me font rire, comme entre autres, là-dedans, si vous jouez, puis ou si vous avez déjà joué, il y a un gars qui ressemble à Columbo, puis ça me fait tellement rire, là, il ressemble à Peter Falk, puis on dirait que Columbo vient de donner des indices, puis des trucs comme ça sur ton enquête, puis ça, je trouve ça hilarant. Fait que c'est ça, mais anyway, c'est vraiment un achat, c'est super bon. C'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Là. J'avais joué à la démo, je me disais, ah, ça va être cool. Là, j'ai joué, je m'y suis investi, puis je trippe à fond. Là, c'est vraiment cool. Pour une série qui ne m'intéresse même pas, normalement. Ouais. Bon, ben, Dan, tu pourras mettre ça dans ton top 10. Ouais. Fait que c'est ça. Tu parlais de Rhythm Even? On peut en parler, ouais, mais tu vas sûrement être capable d'en parler plus que moi parce que j'ai eu le jeu pendant 3 jours. Après, je te l'ai donné. Ouais. Puis là, tu l'as eu pendant genre 2 semaines parce qu'on n'a pas enregistré. Ouais. Fait que moi, c'était la première fois que je jouais à ça. OK. Puis c'est sorti, la première version était au DS. Oui. C'est le seul Rhythm Fever. Rhythm Heaven Fever. Heaven Fever. Rhythm Heaven Fever. Oui. Mais là, c'était pas Fever, c'était juste Rhythm Heaven. Non, c'était juste Rhythm Heaven. Là, c'est Fever à la Wii, un jeu de Wii. Puis, ben écoute, j'ai bien aimé ça. Mais toi, t'es un gros, gros fan de jeux de rythme, il me semble. Puis ça, c'est celui qui pardonne le moins. Rhythm Heaven, là, c'est chirurgical. Là. Ah, totalement. La plupart du temps, même les plus grands fans de Rhythm Heaven sur DS jouent les yeux fermés. Ouais, hein, pour être plus dans le beat. Pour être plus dans le beat, puis tu passes à ton beat, puis là, paf, tu tu fais ton affaire, puis tu réussis pratiquement tout le temps. Mm-hmm. Ça, c'est pas pire, parce que c'est quelque chose qu'ils ont réglé sur la Wii. Okay. Parce que sur la Wii, tu as besoin de tes yeux, tu as besoin de voir ce qui se passe bien souvent. Puis, ben, ça aide, en tout cas. Oui, oh, ça aide énormément. Là. Ouais. Parce que tu as un indicatif visuel, entre autres, quand tu vises des parties de robots. Je sais pas c'est tellement dur, celui-là. Là. C'est vraiment tough. J'arrive pas à me le synchroniser dans la tête. Là. La musique puis le visage, et cling, cling, là, ça... Ça fait comme tac, j'y arrive pas. Je trouve que c'est le plus dur, tu sais, dans la première. Ouais. Du premier niveau, là, dans le fond. Il est dur trop vite. Moi, c'est ça mon problème avec ce jeu-là. Tu sais, j'ai eu le même problème que le jeu. T'es rendu DS, où, là, exactement? Là, tu es comme tout fait? Non, je suis rendu au. Moi, j'ai vu que t'en fais 5. 15, 16, peut-être. Ok. T'en fais 5. Ouais. Puis après ça, t'en débarres. Tu recommences une. Tu sais, de la façon que c'est fait, tu as 5 carrés. Tu fais un mix après ça. Après ça, tu fais un mix. Après ça, tu passes au prochain niveau. Tu en as 5 autres à faire qui doivent avoir un mix à la fin. C'est à coût de 5. C'est à coût de 5. Donc, moi, j'ai fait 5 plus 2. Okay. C'est ce que j'ai eu le temps de faire. Ben, c'est ça. Moi, je te dirais que j'ai peut-être fait un petit peu plus que le double. Ouais. Mais il y en a que j'ai rushé en tabarouette. Là, ça t'a tout pris. Hein? Ah ouais, ça m'a tout pris. Puis c'était vraiment long avant que je réussisse. Puis, tu sais, on parle aujourd'hui des jeux avec nos blondes, tu sais. Ma blonde n'était plus capable. Ma blonde, elle a joué. Ma blonde, elle l'a essayé, tu sais. Elle m'a regardé, puis elle a dit, ouais. Voyons, c'est facile, niaiseux, ça, passe-moi ça. Elle a eu bien de la misère au tutoriel du début. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, elle s'est découragée bien vite. Mais ben, non, c'est ça, c'est... Je trouve que c'est ça la faiblesse de ce jeu-là, c'est qu'il est vraiment fait pour les hardcore, mais là, c'est même plus hardcore. Je pense que là, on dirait ultime gamer ou quelque chose du genre, là, un niveau en haut d'hardcore, parce que, hey, mon gars, il n'y a pas meilleur terme que chirurgical. Il faut vraiment que tu sois là, à la seconde près sur le beat, puis ça pardonne pas, puis j'avoue que ça fait lâcher un moment donné, tu sais. Ouais. Ah, fuck that! Puis là, t'arrêtes, là, puis t'es super frustré, tu sais. Mais quand tu recommences, moi, j'ai trouvé ça, quand tu te dis comme, ah non, là, ça suffit, là, je vais virer fou, là, tout ça, ça me tourne dans la tête. Et là, tu recommences le lendemain matin, relax, tu sais. Puis là, tu réussis d'une shot. C'est ça, c'est un moment donné, tu deviens usé, là, puis fatigué, là, tu sais. C'est vrai. Quand tu y reviens, ah ben, ça va mieux, là, tu sais, ça se fait pas mal mieux. Moi, ça m'est arrivé, ça, tu sais. Mais, ben, écoute, c'est tellement... Mais le graphisme de ça, c'est super, tu sais. C'est comme vraiment beau, enfantin, là. Ouais. Des gros, c'est cartoon, genre. Mais c'est du gros vectoriel japonais, ouais, là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ça me fait triper, c'est vraiment mon univers. Ah, c'est super funny, là, c'est clair. C'est beau, mais... Les musiques sont bonnes aussi, tu sais, ça marche bien. Les beats sont super bons. Puis ce que tes petits bonhommes, ils font, tu sais, ils explosent dans les airs, tu sais, ça bouge. Ouais. C'est super dynamique, là, tu sais. Ouais, puis c'est souvent absurde, là, vraiment. Absurde, tu sais, niaiseux, tu sais. Puis c'est bien correct de même. Ouais. Ça, j'ai adoré ce côté-là du jeu. Ouais. Non, c'est écœurant, mais c'est ça. T'sais, encore une fois, c'est tough. Là. T'sais, si t'as un petit gars, puis il ne sera jamais capable de jouer à ça. Il jouera jamais à ça. Non. C'est bien trop dur. Fait... Ben, c'est correct d'avoir une affaire dure de même de temps en temps. Oui, c'est correct. C'est correct, mais je dirais que t'sais, c'est quand même... Faut que tu le saches avant de jouer, je trouve. parce que tu pourrais acheter ce jeu-là parce que ça a l'air happy, mais finalement, fuck, man, t'es pas capable de rien faire. Un petit jeu pour les enfants. Absolument. Tu vas bad tripper, là, tu vas boire du fort comme un mongol jusqu'à faire un coma éthylique parce que t'es plus capable des maudites tunes. Mais c'est super bon, c'est addictif, puis tu recommences tout de suite. Ah oui. Tu sais, c'est vraiment, ça prend pas puis de temps. Puis même quand t'as réussi, puis tu dis, ouais, là, j'ai réussi, mais j'étais pas tête. Ouais. Là, fais tout de suite, je suis sûr que je vais être là, meilleur. Je l'ai fait tête. Parce que, tu sais, à toutes les fois que t'es tête, mais que t'es juste tête, ils font comme, that was okay. Ben oui, c'est ça que j'ai trouvé aussi. C'était correct. Toi, tu te trouves super bon, les autres sont comme, c'est bon, c'est correct, puis on passe au prochain. Point là. C'est comme t'es poche finalement. Ben, t'es correct. T'as comme eu la note de passage. À quoi, man, là, je suis pas Jésus, là. Ah oui. Mais, t'avoue que sur DS, j'étais meilleur que sur Wii. Ouais, sur DS parce que tu picasses avec ton stylet. Ouais, là, tu le fais avec le stylet. Mais souvent tu fais genre tu pèses puis tu slides aussi. Ah ouais? Ah, ça c'est intéressant. T'as vraiment des dynamiques intéressantes. Je te passerai. C'est vraiment un de mes jeux préférés sur DS. Puis avec la DS. T'as des écouteurs, t'es dans ta petite bulle. Ouais. On dirait que ça fonctionne peut-être un peu plus que sur la version Wii. Moi, ça a été une des affaires qui m'a dérangé. sur la Wii, t'es pas dans cette bulle-là. Ouais. Puis on dirait que t'aurais besoin de jouer avec des gros écouteurs là, puis de te faire blaster ça dans les oreilles pour être vraiment là, direct sur le beat. Une chose que j'ai appréciée énormément, ils sont pas allés avec des mouvements de la Wiimote. Non, ça aurait été... Ils sont allés avec A puis B, puis that's it. Ouais, ouais. Ça aurait été vraiment dur, là, sinon je suis sûr qu'ils n'auraient pas réussi à... Ça aurait été frustrant. Oui. C'est sûr que ça n'aurait pas été tight. Tu serais pas tombé là, sur le beat, jamais. Fait que... ouais, moi, je me suis questionné aussi, est-ce que ce jeu-là est un jeu de party, tu sais? Je pense que non. Non, pas du tout. Parce que c'est emmerdant de regarder quelqu'un pas réussir, tu sais, genre, ou réussir, whatever, tu sais, c'est parce que quand tu joues pas, c'est plate. C'est plate à regarder parce qu'il se passe rien, c'est tout le temps pareil, tu sais. Le beat, il change, puis là, de voir l'autre réussir ou pas réussir, tu sais, c'est vraiment pas un jeu de party. C'est pas rien que ça, tu dirais tout le temps à tout le monde, voyeul! Tu sais, parce que, tu sais, faut que t'ailles le beat dans la tête, faut que tu sois dans ta bulle, justement, puis tu fais comme tac, tac, tac, paf, tac, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis bien souvent, moi, de la manière que je joue, c'est que je tape à côté du piton A, puis je tape moi, sur A. Moi, tête dans ma tête, c'est... Mais écoute, c'est bien le fun, c'est bien dur. Non, c'est super le fun. C'est pas un jeu de party, mais c'est un cool jeu. Une bonne expérience solo. Rétronouveau.ca. Fait que moi, cette semaine, sur le site, j'ai mis le vidéo, les premières vidéos du jeu de Walking Dead de Telltale Games. Moi, c'est un Walking Dead, c'est une série que j'adore. Je trouve ça super bon. La série télé est très bonne. Okay. Le comic book, je l'ai lu. J'adore. C'est sûr que j'ai fini par me tanner du comic book dans un sens parce qu'ils ont changé d'artiste et ça m'a fait chier. Ah, des fois, hein. J'haïs ça quand ça. L'artiste change. Ah, et ça le tue pour moi. Mais c'est ça. Bref, The Walking Dead, c'est un jeu qui est développé par Telltale Games, ceux-là qui font Back to the Future, les jeux épisodiques comme ça, Jurassic Park. Okay. Puis avec The Walking Dead, j'avais peur que ça soit la même affaire exactement, que c'est genre, c'est comme, ah, Juliette a besoin d'un café, je ferais bien d'aller lui faire un café, je m'en vais vers la machine à café, ouvre la machine à café, mets le café dedans. Ah non, tu n'as pas de tasse. Là, tu vas chercher une tasse. Fuck wow. Non, c'est que ça me tente pas de jouer à ça. Là, The Walking Dead, c'est un peu ça, mais ça semble aller plus loin. On dirait que, tu sais, justement, t'as comme une espèce de mire qui bouge, puis t'as des trucs à déclencher. Les batailles de zombies sont quand même intéressantes, d'après ce qu'on a vu, que tu vois zombie, mais tu le vois un peu flou parce que tu viens de te faire knocker. Ouais. Où tu t'arrives direct devant son nez pour pouvoir lui donner un coup de pied dans la face. Il y a de quoi d'intéressant à ça. Il y a aussi de quoi d'intéressant au fait que ce jeu-là, c'est des nouveaux épisodes. C'est comme un univers parallèle à Walking Dead, l'histoire d'un autre paquet de survivants par rapport au comic book. Tu sais. Okay. Fait que c'est quand même intéressant. Ils l'ont basé sur le comic book, mais sont allés avec un autre troupe de survivants. Puis ça, je trouve ça le fun. Il va y avoir 5 épisodes, sont 5$ chacun. Okay. Si un épisode dure 5 minutes, c'est sûr que j'achèterai pas ça. Là. Ouais. Mais si ça dure, admettons, là, 20-30 minutes, je trouve que ça vaut la peine quand même parce que ça va comme donner une extension sur cette série-là qui est si bien écrite. Okay. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi parce que les créateurs de Walking Dead travaillent sur cette série-là. Fait que c'est pas fait par n'importe qui quand même. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a une autre affaire que j'ai vu que j'ai trouvé pas mal le fun, je vais parler rapidement, c'est le PS Vita Drop. Ouais. C'est des gars qui font des tests de chute de certains équipements électroniques. Là. Ils l'ont fait avec l'iPad, ils l'ont fait avec la 3DS, ils l'ont fait avec plein de trucs technologiques. Okay. Là, ils l'ont fait avec la PS Vita. Je le disais, ils vont la dropper, mon gars. Ils vont la lâcher, puis elle va péter tout de suite. Et elle lâche sur quoi? Puis de... Ben, c'est ça. Il lâche de 4 pieds. Après ça, il lâche de 6 pieds sur du ciment. OK. Fait que, il lâche sur du ciment, puis crime, tu vois ça au ralenti, puis tout, elle pète pas. Okay. Il y a pas de scratch dessus. OK. Elle est intacte, elle est nickel, elle fonctionne super bien. Ils font 3 tests. Ouais, il a drop une couple de fois. Il a drop une couple de fois, tu sais. Puis souvent, c'est drôle parce qu'ils se sont aperçus. Ce qui sauve cette console-là, Colin, je m'en serais jamais rendu compte, mais c'est les deux boutons analogue, les deux joysticks. OK. Parce que c'est ça qui sauve l'écran du devant. Ouais. Elle ne peut pas tomber flat. Fait que ça y donne comme une espèce de ressort quand ça tombe là-dessus. Okay. Fait que ça, c'est cool. Ça confirme que c'est une console qui est solide. Okay. Puis il ne faut pas avoir peur si à un moment donné, elle tombe en bas de notre lit parce qu'on s'est endormi sur une game. Ouais. Ben, elle va être quand même assez résistante. Mais quand même, on peut dire que si la PS Vita de Mélanie Boutin-Chartier tombe, elle va péter parce qu'elle n'a pas un bon étui comme moi puis Joël Martel. Oh. Puis dis-moi donc, ces deux nouvelles-là, on les trouve dans quelle section? Nouveau? On les trouve dans Nouveau parce que c'est du nouveau stock. Ouais. Puis en passant, regardez les sections et des sections qui s'ajoutent parce qu'on essaye vraiment de décortiquer ça le plus possible. C'est ça. Mais ouais, ça sort dans la section nouveau. Puis on a ajouté vidéo là dernièrement. Oui. Voilà, deux sections importantes. Ouais. Ben moi, je vais parler vite fait d'un bon deal que j'ai fait en fin de semaine, ben ouais. Dont Jackal fait partie. Ah. Puis j'ai ramassé ce gars-là qui vendait des jeux à 3$, man, j'en ai ramassé un méchant paquet. Puis j'en ai ramassé 9 en fait. 3 x 9, 27. J'ai délié ça à 25. Un petit peu moins que 3$ les jeux. Puis c'est ça, écoute, j'ai ramassé des jeux de Sega Master System, Wonder Boy. J'ai ramassé Jackal, Power Blade. Quoi d'autre, donc, NES? T'avais pas pogné... Voyons, Colin. Voyons. Attends, je vais sortir. Je vais aller sur notre site. Je vais aller sur notre site. Qui est allons sur le retronouveau.ca. Puis, un site agréable, rempli de belles surprises. D'ailleurs, ce que je vous parle là, c'est dans la section acquisition. Tout ce que je ramasse, je le mets dans acquisition. Alors, c'est là. Puis, j'allais ici. Ah, Star Tropics, bien sûr. Ah, c'est ça. Que j'ai mis en vente cette semaine. Et puis, Sonic Pinball aussi. Ouais, ça, c'était dans un autre lot, par exemple. Mais puis, Sonic Pinball. Spinball. C'est ça. Ouais, non, c'est Sonic Spinball. Puis j'ai ramassé aussi Metal Mech. Oui! C'est pourri, ce petit jeu-là. Ouais, c'est pas bien bon. C'est vraiment mauvais. Je pensais que ça allait être bon, mais c'était pas bon. Mais c'est ça que je veux dire, en fait. J'ai été surpris parce que Pac-Man version Tengen a quand même une petite valeur. Là, oui! Genre un petit 20$, là, oui, quelque chose de même. Puis le jeu que vous allez voir dans l'image en bas à droite qui s'appelle Truxton est un shoot'em up. C'était vraiment un nom pourri. Truxton! Le jeu est quand même le fun, puis il est assez rétro arcade style parce que l'image est faite à la verticale. Okay. Puis ta life, ton pointage est à droite, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Là. Ah, c'est un peu cool. Comme Ikaruga, puis ces jeux-là là, d'arcade, de shooter faits à la verticale. Puis juste la cassette de ce jeu-là vaut 20-25$, là, facile. Facile. Puis si je l'avais complet, là, ça monte là, à 60-75. Shit. Puis je savais que c'était un bon deal. Ouais. Parce que la Genesis est une bonne console pour les shoot'em up. Ouais. D'ailleurs, toutes les consoles de Sega, là, ben, pour le Master System, ça, je m'y connais un peu moins. Mais le Saturn, c'est puissant pour le shoot'em up sur le Sega. Ça, je savais que c'était un shoot'em up, je n'avais jamais entendu parler. Fait que là, j'étais comme, y a de quoi en arrière de ça. Fait que j'ai pris un guess, 3$, c'est pas grand-chose. Le jeu en bas à gauche, il me dit de quoi, mais je me souviens plus du titre. C'est Chacane. Ah, c'est ça. Un espèce de... Un gars quand même assez intense, là, comme un sorcier avec un chapeau de sorcière, là, avec une boucle, puis deux espèces de katanas dans les mains. Un drôle de gars. Moi, ce jeu-là m'a tout le temps fasciné de par... Le protagoniste, là, puis j'ai joué, là, comme juste pour voir s'il marchait 10 minutes, là, tu sais, c'était correct, là, mais je pense qu'il y a quand même un certain potentiel, mais c'est pas un jeu qui est rare, là, tu sais, un jeu que tout le monde avait, mais je suis quand même content de l'avoir parce que ça a tout le temps piqué ma curiosité, tu sais. Fait qu'écoute, j'ai Power Blade, j'ai Jackal, j'ai Truxton, ben du fun à venir, j'ai vraiment fait un bon deal, puis depuis que je travaille ici, à mon compte, au bureau, voyons, à maison, j'ai le temps d'aller sur l'heure du midi, tu sais, comme faire le petit pawn shop, chiller, là, donc, c'est fou tout ce que je ramasse, là, de même sur l'heure du midi, relax. Alors, je suis très content. Le sujet du jour. Ah, petite gorgée de boisson. Yes. Ce soir, je pourrais dire que je bois de la bière centipède. That's it, that's all. Ouais, hein, parce que si je te disais c'est quoi la sorte de bière, t'en voudrais même pas. Vraiment, là. Hey, c'est bizarre, ce nom de bière-là. On le dira même pas. On va vous laisser essayer de trouver le nom de la bière qu'on boit ce soir. C'est une bière qui vient de où, Dominique? Écoute, l'étiquette est noire. C'est noir, noir et gold. C'est dans le rayon des bières pas chères. Parce qu'à tous les semaines, moi, ça me coûte cher de bière. Là, ouais, ça c'est fait ça. Que là, des fois, je baisse le niveau. Là, mais pour des occasions spéciales, mettons le 30e épisode ou je sais pas quoi, ouais. Là, j'achèterai de quoi de meilleur. Ben, là, ouais. C'est on va se gâter. On va se gâter. Fait qu'en tout cas, on a parlé du sujet du jour sur Twitter et sur Facebook. Puis on va lire vos commentaires. Il y a bien ça, Dom. On va se lancer à balle. Fait que tu vas en faire un Twitter, m'en faire un Facebook après. C'est bon. Fait que je te laisse partir ça. Bon, ben ici, j'ai Jean-François qui dit « Bon, c'est reparti, direction Rétro Nouveau. » Ah! Yeah! C'est Jean-François, il nous filme, il est déjà là, cette chose. Non, attends. ça commence avec Guillaume Simard. Ouais. At Cochise. Ouais, Cochise qui s'est fait un avatar par Yannick Belzile. Ouais, il est très beau, hein? Oui, très beau. Ouais. Il dit « Cool comme sujet, les jeux, ma blonde accepte de jouer avec moi, Super Mario Wii, Rayman Origin, Feeding Frenzy 1 et 2. » Ah, barnouche quand même, pas Il dit aussi « Elle trippe sur Dr. Mario et tous les jeux du genre dans le style Tetris. » Faut dire, nice. Ma blonde, elle aime les jeux. Elle aime Tetris. Ouais, moi, Tetris, elle aime pas quand il y a c'est du temps, puis du press, puis tout ça, mais mettons Tetris, ouais. c'est clair, elle aime ça. Là, oh, oui, ça c'est vraiment. Sûr et certain, là. Tout le monde aime Tetris, en fait, là, je pense. Ben, c'est universel, là, ça, je suis pas mal certain. Là. Moi, ici, il y a premièrement, il y a 7 personnes qui aiment ça. Puis, il y a Maxime Tremblay qui dit « J'ai souvent joué à Mario Party, Just Dance, SingStar. » C'est vrai, SingStar aussi, nous autres, ça a passé par chez nous dans un chalet. OK. Puis, c'était très, très, très, très drôle. Puis Little Big Planet, c'est vrai, avec ma conjointe, des heures de plaisir avant le vrai sport. Okay? Le vrai jeu de party. Fait du vrai sport. Il peut pas avoir plein d'enfants, ce gars-là. Eh oui, Colin, Maxime Tremblay, ça fait des kids là, sans arrêt. Maxime, arrête de produire, il n'y a plus de place à la garderie. moi ici, j'ai Stéphane Vaillancourt qui dit « Fichu, bon sujet, ça m'atteint drette là. » Mais il dit rien d'autre. Il a pas alors, dit rien d'autre. Ça le touche. Tu vois que le gars, il est aux prises avec il des problèmes touché. Similaires. Mais voilà, il dit rien. Sinon, okay. Je vais en faire un autre. T'sais. Ben ouais, c'est 2-1. Là. 2-1. Alexandre Armand, genre Tilex. Ouais, mais moi, T-lex. J'aime mieux dire Tilex. Moi, je dis Tilex, mon gars, t'es fait jusqu'à la fin de ta vie. Tilex. Il dit « Souvent, ce sont les party games ou encore les jeux de puzzle comme Tetris ou même Angry Birds et Super Mario. » Bien sûr, comme on a dit. Ben oui, c'est certain. C'est assez populaire, là, ça. Angry Birds, là, c'est un incontournable aussi. C'est comme... Je dirais qu'Angry Birds, c'est quasiment le Tetris des années 2000. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vraiment, là, c'est parce que tout le monde connaît ça. T'sais, tout le monde connaissait Tetris avant. Là, Tetris a comme pris le bord un peu. Ouais, il va revenir en force. Ouais, mais Tetris appartient à EA sur les plateformes mobiles. Ah oui? Fait que EA, là, c'est pas des imbéciles pareil. Ils ont Charge. Puis ils ont Angry Birds. Ah, ils ont Angry. Ah, c'est à EA, ça. Ouais. Je savais même pas. Hey boy, c'est à EA gars. Maintenant. Non, EA, là, ils sont si ça se trouve, c'est là, bon là, temps, là. Si, je veux dire, tu vas aller acheter là, un litre de jus à l'épicerie puis ça va appartenir à EA. Ils vont te faire payer pour le bouchon quand il est dans DLC. Pas de bouchon si tu veux pas mettre 99 cents de plus. Moi, ici, il y a Pierre Thibodeau qui dit « Récemment, j'ai découvert la série Lego avec ma copine. » C'est vrai ça, Lego, c'est super ouais, fun. Ouais, c'est populaire ça. Moi, avec ma copine, ça n'a pas fonctionné. Par contre, avec mes neveux, ça a super bien fonctionné. Mes neveux, là. Ils capotent là-dessus. Là. C'est toutes parfait, les plateformes, là. Wii, Xbox, oui. DS, nomme-les mon gars. Là, ils ont toutes fun, fait. Puis tous les personnages, Indiana Jones, Batman, tout. Mais oui, t'en essaies un, ça marche pour toute la gang, tu sais. Ouais. Ce qui est le fun de Lego aussi, c'est que pour toutes les consoles, il y a comme, dans un sens, le même standard de qualité. Que tu joues sur une Wii, sur une 360, une PS3, une 3DS, ça look pas mal tout le temps de la même façon. C'est vrai. C'est pas mal tout le temps le même jeu, fait que ça marche et c'est assez gagnant. Ouais. Moi, je t'en donnerais bien un autre pour l'instant, mais c'est Guillaume Simard qui l'a fait. Cochise. Donc, j'ai l'impression qu'il a écrit la même affaire. Ouais, je pense que il dit comme je disais sur Twitter. Ah ben voilà. Hey Colin, multitasking. J'ai Alexandre Doré qui dit « Tous les jeux de danse sur Wii ou Kinect, tout simplement. » Ah ben oui, voilà. Ça c'est vrai. Ben oui. On l'a dit tantôt. Alain, Amigo, Super Mario Wii et Super NES, Tetris, Dr. Mario, j'ai même réussi à la faire jouer à Black Ops l'an passé online. Et ah puis... ben non, choqué. Non, lui là, c'est un... ça c'est un niveau un supérieur là. Puis il dit aussi Aladdin au Super NES. Il était pas mauvais Aladdin nice, au Super ouais, NES. Ça, je bon. Sais qu'au Genesis, tu swings ton sabre, oui. Puis c'est plus bloody, puis qu'au NES, bon, au Super NES, excuse, tu lances des pommes, oui. Mais il était quand mais même il était pas mauvais. Super bon, pas là, mauvais Aladdin, du tout. Là. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais les jeux de Disney, de Capcom. Là, ah, tout bon, tout bon. Je pense que c'était fiable. Mm. C'était vraiment bon. Moi, ici, j'ai Damien Boudreau de Fun Jouer Jeux. Yo. Qui a écrit le jeu que j'ai joué le plus souvent avec une fille, c'est Geometry Wars sur Xbox Live. Ah, ça, j'avoue c'est que ça, vrai, c'est vraiment solide. Fun. Simple et efficace. Sinon, il y a les derniers Crash Bandicoot, ah, ben oui, qui peuvent se jouer à deux et qui sont pas des gros hits, mais ça fait la job. Il y a Rayman Origin, qui est un excellent jeu pour jouer avec sa blonde. Il y a aussi les classiques du genre Little Big Planet, Mario, Donkey Kong, tous les jeux de danse, etc. Bon show, les boys. Eh bien, Damien, on passe un bon show. Merci, Damien. Merci. Bono Alexandre, donc Alexandre Bono, je suis vraiment chanceux, on trippe tous les deux sur le gaming. Dead Island, Resident Evil, Dead Space, Mario, Zelda, Castlevania, etc. Tabarnouche, jackpot. Jackpot, man, ce gars-là est bien occupé. Ouais, tout le temps occupé. Mais je te dis, mon gars, bientôt, ça se peut que tu sois obligé de faire des enfants pour qu'ils te grattent le dos avec un balai. Fait que... fais attention. Coupe d'un crotte au fromage, man. Fais attention à toi. T'en as-tu d'autres? Ouais, ben oui, j'en ai d'autres. Il y a pas juste 7 personnes qui aimaient ça, ils ont répondu aussi. Ouais, ils ont répondu aussi. Il y a Carl Robert qui dit « J'ai commencé avec des jeux comme DDR, qui est Dance Dance Revolution, et Pump It Up. » Yeah. Pump it, pump it, pump, pump it up. Et puis ensuite, les jeux de puzzle en versus comme Bust a Move, Puzzle Fighter, Magical Drop, Puyo Puyo, Tetris, Maison. Ça, c'est vrai que ça, ouais, hein? Ça rentre au poste, ça marche tout le temps. Sinon, elle a vraiment trippé sur Plants vs. Zombies. C'est ah, vrai, je la comprends. Ça. Elle a genre toutes fini les minigames, etc. à 100%. Tabarnouche. Achievement granted. Ouais, ouais. Parfait. Yeah. Ici, qui d'autre? Attends, les gars, ils se répètent. Luc Desormeaux. Oui. Scalazormeaux. Scalazormeaux. La plupart des jeux de la série Lego Star Wars, lui aussi. Indiana Jones, tout ça. Et puis Little Big Planet. Et Disney Universe. Oui, Disney Universe. J'ai parlé de ça à Monsieur Net. Puis c'est vrai que c'est un excellent jeu à jouer soit avec ta conjointe ou avec tes enfants. Là. Assez solide comme jeu familial. Et ici, j'ai quelqu'un qui s'appelle Fatima. C'est Fatima des Geekbécois. Oui. C'est une fille, ça? Oui. Je suppose. Oui, Fatima, c'est une fille. Elle a l'air de gamer pas mal. Là. Oui. Elle a dit Heavy Rain, simplement. Badang. Ah, ben oui. Moi, c'est vrai, Heavy Rain. Je c'est la connais vrai pas, que... Fatima. Est-ce qu'elle joue... C'est une grosse Je la connais pas la beaucoup. La connais-tu assez? Je la connais pas assez, mais je te dirais que moi, Heavy Rain, c'est vrai, j'ai joué à ça avec ma blonde. Les jeux... Parce que c'est un film à regarder. Oui, les jeux cinématiques, c'est ça. J'ai joué avec ma blonde, mais c'est moi qui jouais tout le long. C'est juste ouais, qu'elle, elle me regardait jouer. C'était passé la même affaire avec Indigo Prophecy puis avec King Kong sur la PS2. OK. Elle m'avait regardé jouer puis elle était comme « Ah, c'est débile ». Tu sais, elle trippait à me regarder jouer. On a joué aussi pas mal à Silent Hill. En passant, le Silent Hill 2, ça a été là, un gros passage chez nous, ça. On a joué en masse à ça. Fait que... Wow. Ça existe. Colin, plus on avance, plus je me rends compte qu'il y en a. Serge Bélanger sur Facebook dit « La série Lego ». Les puzzles comme Limbo, mais les point and click comme Wallace and Gromit, c'est vrai ça, j'avais pas pensé à ça. Les point and click, ça c'est un style qui est plus, ben, qui reprend ouais. Un peu de vigueur, mais qui a été comme abandonné pendant tellement d'années là. Mais ça serait une très bonne accroche ouais, ça, pour ouais. Les filles. Les jeux de Telltale Games, les jeux Kinect évidemment, et même NHL pour les mordus du hockey, les mordus ES, wow. Hey, ça, j'en connais pas, par exemple. Hey, ça, il y en a, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Je vais en faire un autre. Hein. Patrick Sans Souci, qui dit « La série Lego, c'est très winner. » Ouais, la série Lego, ça semble vraiment plaire à tout le monde. Little Big Planet encore, et les autres platformers du genre Tetris et les jeux de course comme Mario Kart. Vrai. Ah, winner. Ouais, vraiment winner. Finis-les parce que moi j'en ai plus. Là. Ah, t'en as plus, ok. Moi j'ai Étienne Cormier qui dit bonne idée, mais comme j'ai pas de blonde, je joue à ce que je veux quand je veux. Bon vieux. Étienne Cormier, c'est un gars avec qui j'ai travaillé dans le temps. Ok. Vraiment un cool guy. Il écrit, j'avoue que c'est quand même bien. C'est vraiment une bonne réponse. Il dit, mais je crois que les jeux casual comme Rock Band, ça plaît bien aux filles. Elle qui chante et toi qui joues ton instrument, mettons. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Là, elle chante puis je joue parce que, m'a dit, sinon, ça fonctionne pas tant que ça. Il y a Kevin Parent, Seigneur, c'est-tu toi qui... Non, c'est pas ce Kevin parle. C'est un autre. C'est un autre. Mais en tout cas, on t'aime pareil, Kevin. Sérieusement, c'est un gars de Lévis, en fait. Ok, un gars de Lévis. Bon, ben lui, il dit Singstar et Rayman Origin. Voilà. Fait que non, c'est pas le nomade sédentaire. Il y a l'équipe de fans jouer jeu qui disent un classique Mario Party sur la Wii. T'as bien raison, man. Puis ils disent Mario Kart aussi. Très vrai. Il y a un Richard Perra qui dit un classique, la série des Worms. C'est vrai, ça. Sauf Worm 3D. Mais c'est vrai, Worms, c'est très, très logique avec une fille parce que c'est stratégique, c'est lent. T'as pas besoin de tutoriel. Là. Tu peux l'expliquer au fur et à mesure où tu joues, puis tu fais chacun ton tour, puis ça marche. Moi, je l'ai, Worms, puis c'est vrai, j'ai déjà joué à ça. Je connais pas ça, ben. Puis même, là, ça me rappelle un autre, Bomberman. Moi, c'en est un que j'ai joué avec ma blonde. Ah, ouais. On a trippé en maudit. Une surprise, la série de Metal Slug. Tabarnouche! Metal Slug avec une fille. C'est dur, Metal Slug, là. C'est vraiment pas la première chose, là. Et il y a Olivier Troll Girard qui dit « Je joue à Guitar Hero avec ma mère. » Ben voilà. Ben, fantastique, mon gars. T'as une Monkey Rock. Aussi. Fait que c'est génial. Mais merci encore de tous vos commentaires. Puis vous pouvez nous en envoyer en masse sur n'importe quoi. Ben ouais, ben surveillez sur Twitter ou sur Facebook à chaque semaine. Ben, les semaines qu'on enregistre. Oui. Puis vous avez vraiment répondu en masse là, cette semaine, je pense. Que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Ben oui. Vraiment, ça a vraiment répondu. Là. Ça a vraiment répondu. Puis à tous les mercredis, on va faire la même chose là, quand on enregistre. C'est mercredi, évidemment, mais c'est pas mal notre case. Fait que c'est ça. Fait qu'on sur Twitter, sur Facebook, on vous demande votre avis. Donnez-le. On lit vos commentaires. On aime ça. Yeah. Le truc. All right. Fait que les trucs cette semaine, moi, je vais commencer avec un truc de circonstance, vu que j'ai critiqué Mario Party 9 à Monsieur Net et je vous en ai parlé à Rétro Nouveau. Ouais. Je vais vous donner, c'est pas vraiment des trucs, des codes, mais c'est comment arriver à quelque chose. OK. Fait que si vous voulez... C'est bon à savoir, ça. Si vous voulez le mode Boss Rush... Vous avez juste à battre toutes les boss, tout simplement, puis après ça, vous l'achetez pour 500 points. Après ça, il y a le Master Mode. Ça, tu as juste besoin de payer des points party. Tu en payes 500 au musée pour acheter la difficulté Master, qui est quand même assez intense. Après ça, si tu veux avoir le tableau qui est très intéressant, un plateau qui s'appelle Donkey Kong Jungle Rooms, tu peux l'acheter pour 500 points au musée, une fois de plus, pour jouer en tant que Kamek. Kamek? Kamek. C'est qui ça donc? Je me souviens plus c'est qui Kamek. OK. Parce que je l'ai comme... Comment ça s'écrit? K-A-M-E-K. OK. On va checker vite fait. Il faut que tu complètes toute l'histoire pour débarrer Kamek. Puis aussi, quand tu fais toute l'histoire, tu peux débarrer Shy Guy. Comme le petit bonhomme avec un masque de Jason en face. Ouais, c'est cool ça. Puis après ça, si tu termines toute l'histoire au complet, tu débarres le Bowser Station. Puis le Bowser Station, tu peux aussi le débarrer en jouant à tous les niveaux, sauf DK Jungle Rooms, qui est Donkey Kong Jungle Rooms. Fait que c'est pas mal ça. C'est pour débarrer certaines affaires à Mario Party 9. Fait que plus vous jouez, plus vous avez des chances de débarrer des trucs, mais déjà au départ, il y a quand même pas mal de stock. On a Kamek ici. Kamek, c'est le petit magicien qui t'envoie des espèces de formes pour te transformer en tortue, je pense. Ouais, genre un petit magicien bleu là, qui t'envoie comme un spread, un triangle, un carré puis un rond. Là, dans Mario World, en tout cas. Là. Ouais, dans Mario World. C'est un salaud, en tout cas. Pis... C'est vraiment un Chris. Puis il est là dans Mario Party 9. C'est un des personnages qui joue contre toi, un peu comme je disais tantôt, quand t'es dans un char avec... Ça augure mal en tabarouette. Sois jamais dans un char avec Kamek. Ils sont mal finis. C'est un chum louche. Bon, ben moi, ça, mon truc de cette semaine, c'est sur Blaster Master au NES. Oui. À Blaster Master, il y a des boss qui reviennent. Le boss du deuxième monde revient genre dans le septième. Puis l'autre boss, qui est la grenouille, revient... qui est dans quel monde, la grenouille? La grenouille est... Troisième, ouais, je pense. Ouais, troisième. Revient aussi, là, plus loin. Excusez, j'ai oublié mes mondes. Mais en tout cas... Fait que ces boss-là sont les seuls qui fonctionnent avec ce truc-là, excusez. C'est que quand tu y lances une grenade, là, quand tu blastes ces monstres-là, ils clignotent là, de couleur. Oh, oui. Tu sais, ça fait... Puis il clignote blanc. Alors, quand tu lances une grenade puis tu vois qu'il est blanc, tu pèses sur Start. Faut que tu sois bien synchronisé. Puis là, il va se mettre à... C'est comme si ta grenade, elle explosait continuellement sur lui pendant que c'est sur Start. Ça fait... Puis là, ça l'use, tu sais, au max. Fait que là, tu laisses ça. Tu gardes ça sur Start, tu reposes là pendant... 10 secondes, 15 secondes. Si tu veux être sûr, tu sais, 20, 25 secondes. Ouais. Parce que si tu le fais juste 5 secondes, ça ne l'aura pas usé assez, tu sais. Okay. Sa life, elle descend vraiment pendant que tu es sur start puis qu'il est figé là, tu sais. C'est super truc. Pratique. Ben, au début, les boss sont pas si durs que ça, fait que c'est pas trop grave. Mais vers la fin, quand ces mêmes boss-là, ils reviennent, ils sont boostés, tu sais. Ils sont vraiment plus durs. Fait que là, tu es blast de même, là. Super facile. Là. C'est vraiment un truc, là, très, très, très pratique, là, pour buter à Blaster Master. Nice. Voilà. Top 5. Alors, nouvelle chronique, mesdames et messieurs. Yes! On est tout fébrile. On est tout fébrile. Puis c'est une chronique, il faut le dire, sur laquelle il faut s'entendre. Hein? Oui. Parce que moi, au départ, j'étais un peu dans le champ. Ben, j'étais pas dans le champ, mais on la voyait... Moi, je voyais ça différemment. Ouais. Donc, c'est le top 5, bien sûr. Puis moi, je pensais qu'on allait avoir chacun un top. Mais finalement, c'est le top de Rétro Nouveau. C'est le top ultime. Là. Ouais. Alors, on va avoir des tops de même à chaque semaine. Puis cette semaine, le top, c'est les tops ninja. Oui, yes. C'est qui les ninjas les plus cool? Oui. Fait que, écoute, c'est bien trippant tout ça. Mais, hein. C'est un petit peu cliché, là, mais quand même, on a envie de le faire parce que hein, on aime tout ça, les ninjas, quand même. Oui, on aime tout ça, les ninjas, c'est sûr et certain. Ouais. Numéro 5. Fait qu'en troisième, en cinquième place, on a classé qui, Bruno? En cinquième place, on a Joe Musashi, qui nous vient de Shinobi. Oui. Puis lui, c'en est un qu'on a un peu mis là par défaut, hein, ouais, finalement. De réputation, tu sais. Par respect. Par respect, totalement. C'est en plein ça. On a un respect pour Joe, tu sais. On l'aime bien, Joe. Mais moi, les jeux de Shinobi, j'ai jamais été bon à ça parce qu'ils sont tellement durs, là, tu sais. Oui. J'ai jamais réussi à me rendre... vraiment loin, là, tu sais. Puis écoute, mais Shinobi, c'est une vieille licence, là. Oui. Ça part de l'arcade, ça a fait toutes les Sega, tu sais. Il y en a un sur PlayStation 2, mais c'était pas Joe, par exemple, là. Oui. Mais, puis il y en a un sur 3DS. Puis écoute, il est quand même assez keller, là, Joe, parce qu'il y a des skills de ninja, bien sûr. Il y a de la magie aussi, tu sais. Ah, il était sur Game Gear aussi. Sega, c'était vraiment une grosse licence de Sega. C'est une grosse licence de Sega, puis ça a été un gros succès à l'arcade quand même, Shinobi. Ouais. Puis, moi, je dirais que c'est un personnage qui a été pas mal plus populaire dans le temps qu'il l'est maintenant. Ouais, vraiment. Maintenant, tu sais, Shinobi sur la 3DS, ça n'a pas été le succès. Non, pas du pense. Tout. Ben, c'est parce que c'est un jeu qui est très dur. Ça a toujours été un jeu très dur. Alors, tu sais, qui dit jeu dur aujourd'hui dit... pas de succès. Ouais, c'est ça, exactement. Le monde ne veut pas se casser la tête. Mais bon, t'as tout notre respect, Joe, fait qu'on te place en cinquième. Peut-être si on avait joué beaucoup, il aurait été mieux placé. Ouais, c'est ça. Mais écoute, de réputation et par respect, bon, on le met là. En tout cas, j'espère que Joe nous écoute pas parce que j'aurais ça pas envie de me faire trancher à gauche quand je dors. Dans deux secondes, deux shurikens dans la face. Dans la face. Dans le joue, là, tu sais. Ah! Tu meurs même pas. Ouais, c'est super salaud d'un vieux film de ninja des années 80. Comme, ah! Tu fais juste arracher à joue. Numéro 4. Alors, en quatrième place, écoute, c'est un ninja que moi j'ai joué beaucoup avec ce ninja-là, plus que toi, même. Toi, oh, Popantoute, oui. Là, moi, Popantoute, je le connaissais pas avant que tu m'en parles. Tu m'as instruit. Fait que c'est de ma faute s'il est rentré dans le top. Il s'agit de Edge dans Final Fantasy 2. Aux versions américaines ou Final Fantasy 4 là, pour les wise ass là, qui aiment ça carrer ça japonais là. Donc Edge est très cool, c'est un personnage qu'on pogne vers la fin du jeu, puis il y a vraiment ses skills à lui. Premièrement, il y a on sait tous que Final Fantasy c'est un RPG là, fait que Edge, je veux dire, quand tu joues avec Edge, tu joues pas comme avec Joe là, genre, il y a sûr, des skills hein. Alors un de ses skills c'est Dart. Ça, il peut tirer... il tire les armes. Okay. Whatever tes armes, lui, il est crisse dans la face du monde. Là, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis à Final Fantasy 2, justement, il y a un cheat. Je l'expliquerai plus tard parce que je me souviens plus comment le faire dans un autre épisode peut-être. Ouais. Pour dupliquer tes armes. Okay. Ça, ce qui permet, de, quand tu as une puissante épée, tu la dupliques, tu vas la vendre au village, tu fais full de cash. Fait que tu fais full de cash comme ça. Puis aussi, quand tu es rendu à la fin, prends bien soin de dupliquer des Excalibur ou la Crystal Sword la plus forte, genre te faisant un petit paquet. Comme ça, Edge, il peut les crisser dans la face du monde, ça fait 9999 à chaque fois. Là, c'est trop hot. Puis tu sais, tu as des armes qui servent à rien, une vieille Spear, whatever. En fait. Tu sais, ça, dans la face du monde, c'est merveilleux. Fait que lui, wow. Il est dessus en garochant n'importe quoi. Fait que il fait sneak aussi, ça, il vole des items sur le monde. Okay. Il y a des ninja skills, dont Flame, ça fait. C'est de la magie, là, en fait. Là, ça fait un gros burst de feu. Flood, ça fait de l'eau. Blitz, ça fait un lightning. Il y a un smoke aussi, que ça lance un écran de fumée. Puis comme ça, tu peux te sauver, man. Tous les membres de ton crew se sauvent. T'as aussi image. Ça, ce que ça fait, il devient flou dans l'écran. Comme son image shake. Oh, oui. Ce qui fait que le monde, il te miss tout le temps. Là, t'sais. Oh, oui. C'est vraiment cool. Puis en plus de tous ces skills-là, qui sont quand même le fun, t'sais, d'avoir un ninja à Final Fantasy, qui a des skills que les autres n'ont pas, il est assez... Il est hyper émotif. Il y a un rage à un moment donné. Il part en colère contre Ruby Kent. Puis ça, c'est vraiment une scène importante. Puis c'est ça. Mais il est bien, bien, bien émotif. Tu sais, les ninjas, habituellement, ça ferme sa gueule puis ça tue. Un ninja, lui, ça n'a pas d'émotion. Non, lui, il a plein d'émotions. Là, c'est, un plus, ninja emo. C'est un ninja emo. Puis il croise des chicks dans le crew. Là, tu sais, il croise Rosa, Rydia. Tu sais, même si Rosa est la chick à Cécile, tu sais, des fois, il pose des petites craques. Écoute, c'est un ninja émotif qui aime les femmes, tu sais, puis qui a des puissants skills. Puis qui se bat à deux mains aussi. J'ai oublié de le mentionner. Ça, c'est vraiment cool parce que c'était la première fois dans Final Fantasy que tu peux équiper deux armes, tu sais, une dans chaque main du gars. Puis tu peux y équiper pas juste des katanas, mais des spears, tu sais, puis toutes sortes d'affaires. Whatever, lui, il varge avec tout, là, tu sais. Ah, bah. Fait que c'est vraiment un bon petit ninja. He's living on the edge. Living on the edge. Comme dirait Aerosmith. Oui, Steve Tyler. Numéro 3. En troisième position, on a choisi Gray Fox de Metal Gear Solid. Il était juste dans Metal Gear Solid, lui, je pense. Juste dans Metal Gear Solid, puis il était dans Metal Gear Solid 1. À vrai dire, on s'est obstiné longtemps à savoir si ça allait être Gray Fox Raiden. Ou si ça allait être Raiden de Metal Gear Solid. Mais Raiden, c'est comme... Il est comme un peu comme... Il est un petit peu trop emo, tu sais. Puis c'est parce qu'il est blond. Il manque de badassery. Non, mais c'est pas juste parce qu'il est blond, c'est parce que son rôle dans Metal Gear Solid jusqu'à date est pas, à mon avis, est pas encore le badass qui mérite d'être. Ouais. Là, ils font Rising bientôt. Il va avoir son jeu, là, c'est ça. Intense, là, Metal Gear Solid. Ça va mais tuer c'est ça, ça va tuer en maudit. Fait que j'ai l'impression que justement, ils veulent le rendre badass. Puis Hideo Kojima, il est pas d'accord pour tout le, tout le hate qu'il y a sur Internet par rapport à Raiden. Mais ben, moi, je l'ai tout le temps aimé, Raiden. De la minute que j'ai joué avec, tu sais, j'étais un peu déçu comme tout le monde. Comme, voyons, j'aimerais ça jouer avec Snake, tu sais. Jouer avec Raiden. Mais bon. Mais j'ai aimé la coche qu'il a pris, genre de Guns of the Patriots. Patriots, ouais. De Sons of Liberty. C'est sûr, à Metal Gear Solid 4. Puis il a passé de ça à Metal Gear Solid 4. Ah, mon gars, il est quelle heure là-dedans. Là, ouais, ils ont pas mal plus. Ouais, il est assez brutal quand même. Ouais, vraiment, là. Mais bref, on a choisi Gray Fox. Ouais. Puis Gray Fox, moi, c'est parce que ça, Metal Gear Solid 1 reste, à mon avis, le meilleur Metal Gear Solid qui existe. Ah, écoute. Puis je dis pas ça pour faire mon frais, je dis ça à cause que je les ai tous joués. Puis le 1, c'est encore celui-là que j'aime le plus parce que le gameplay est complètement différent. Ouais. Puis la bataille avec Gray Fox était épique. Hey. Quand je l'ai vu rentrer, je suis comme « Ah, tabarnak, faut que je me batte contre ce gars-là, man, qu'est-ce que je vais faire? » Il allait super vite, puis avec une espèce de voix comme « une espèce robotique, weird. T'avais l'impression qu'il était, il était en train de mourir ou je sais pas trop. Il y avait de quoi de vraiment. Il y a quoi de tordu à te battre cool contre un tordu, gars qui a un full face masque avec un gros point rouge en plein milieu. Un gros point là, rouge qui chaîne puis qui se promène un peu partout. T'sais, il était rapide comme tout. Dans cette bataille-là, tu n'avais pas le choix de te défendre assez rapidement. Puis si tu restais en place trop longtemps, tu te faisais massacrer. C'était vraiment tough. Puis en plus, Gray Fox, qui est extrêmement badass. Parce que, veux pas, quand t'es un ninja pis qu'on te voit vraiment aucune portion du corps, pour moi, t'es un méga badass. Ouais, en plus, t'as rien qu'un œil d'en face, t'es écœurant. Puis, en plus, Gray Fox se sacrifie pour Snake dans le jeu. C'est vrai. Il va aller détruire le Metal Gear à un certain moment, puis il va mourir pour Snake. Fait que moi, juste pour ça, hey, il mérite d'avoir sa statue. Il était écœurant. Fait que Gray Fox, moi, j'ai trippé fort dessus. Puis ça reste un personnage, un ninja marquant pour moi, vraiment. Ouais, même si on l'a pas vu longtemps. Là, L'a pas vu longtemps, mais ça en a été apprécié. C'est tout un. Clair. J'espère qu'il va revenir. Il est mort, man. C'est ça. Ils vont trouver une façon. Eh oui. Numéro 2. Deuxième place, Strider Hiryu, mesdames et messieurs, de la série Strider. Oui. Puis... Une série mal aimée, nous autres, on l'aime, ce gars-là. Maudit qu'on l'aime, Moi, je le trouve tellement killer, mon gars. Là, il est tellement hot. Il est écœurant. Son arme est trop hot, là, le Cypher. Là, c'est... Dans le Strider qu'il y a eu sur le Genesis, qui était le Strider de l'arcade, son arme, mon gars, elle a une portée incroyable. Mais je n'aime pas la face là-dessus. Je trouve qu'il a l'air d'un guignol. C'est vraiment laid. Là, c'est vrai. Totalement laid. Oui, puis sa face sur le cover du jeu de NES est vraiment laid aussi. Mais dans le jeu, ça va bien. T'sais. C'est dans le jeu qui est cool. Quand tu swings un coup d'épée sur le NES, ça fait ching, ching, ching, ching. Un bruit technologique de coup d'épée. C'est un ninja techno. T'sais. Tout son univers se déroule dans un... C'est robotique. Il a tout été futuriste, c'est ce ninja. C'est ça. C'est un ninja futuriste. Totalement. Puis moi, je trouve qu'ils l'ont vraiment... Je suis tellement content. Capcom, ils ont fait un hommage grandiose en le mettant dans Marvel vs. Capcom. Oui. Parce que c'est le meilleur design de Strider qu'il y a eu à ce jour. Là. Il est vraiment top-notch. J'oserais dire que Strider 2 au PlayStation est pas loin derrière. As-tu déjà joué à ça? C'est vrai. Ça, attends un peu, je le dis, ça doit te sortir. Oh, tabarnouche. Ici, Dom, il y a tous les jeux, c'est malade. Il y a tout. Ce jeu-là. Oui. C'est qu'il est un jeu comme un peu d'arcade. Strider 2 au PlayStation, ça a quand même une petite valeur. Puis, il est trop keller là-dedans. Sa position, la vitesse à laquelle il court. Oui. Tu sais, quand il court, il se met un bras d'en face, puis il y a une espèce de foulard trop keller, puis il se met un bras en arrière. Ce gars-là a des stances. Genre, quand il fait rien, c'est vraiment cool. Là. Ouais, puis il court tellement vite qu'il est en diagonale, mon gars. Ah, ouais. C'était écœurant. Il est hyper penché par en avant. Ça, les double jumps, tous ces moves, man. Il y a du style. Ouais, il y a vraiment du style. Il y a un style incroyable. Puis il est pas. Je trouve qu'il est pas démodable, là, ce bonhomme-là. Il pourrait avoir son jeu maintenant à lui. Là, un nouveau Strider, là, complètement. Là. Ah, oui. Il serait dû pour en faire un. Il est tellement dû. Ah ouais. Mais non, excellent personnage. Pas surprenant qu'il soit en deuxième position. Puis qu'est-ce que vous pensez que ça va être la première position? Numéro 1. Ah, c'est sûr qu'on est un petit peu prévisible là-dessus, mais on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix. Faut rendre à César ce qui est à César. On pourrait dire qu'il faut rendre à Ryu ce qui est à Ryu. Ben oui. Ryu à Yabuza de Ninja Gaiden. Oui. Tout le monde a joué à Ninja Gaiden. Ryu ouais. est là depuis le tout début du NES, en tout cas. Un jeu d'arcade avant ça. Excusez, ils viennent juste de sortir Ninja Gaiden 3. Oui. Sur, qui est pourri, à ce qui paraît. Oui, qui est pas bien bon, finalement. Mais en tout cas, il est là depuis vraiment longtemps. Puis ouais. Écoute, il a tout pour lui, là, tu sais. Il a tout le temps été bon. Ça a tout le temps été... Il y a des bons jeux de, il y a des bons Ninja jeux. Gaiden en masse. Il y a une bonne attitude. Il y a une attitude ninja, tu sais. Ouais. Puis il y a de la magie aussi. Il y a plein de skills. Ouais. Puis, tu sais, il est noble. Genre, ouais. Il a des bonnes causes, là, tu sais. Il est noble, mais il est sauvage, il est sadique. Ouais. Il a un côté très, très viscéral. Surtout avec la nouvelle génération. Là, en ouais. Fait, ouais, c'est ça. Mais avec la nouvelle génération, mais même dans le. Même quand tu penses à ça, au premier qu'il y avait sur le NES, là. Ouais. C'était violent, tabarnouche, Ryu, pareil. Là. Juste les combats que tu voyais dans les cutscenes au NES. Ouais, ça, c'était cool. C'est lui qui gagne, puis il tranche tout le temps en deux. Puis, je veux dire, c'était vraiment... C'est un ninja. C'est le ninja le plus rapide au monde. Parce que si tu regardes les mouvements qu'il y avait sur le NES, il était rapide en tabarnouche. Le jeu d'arcade, c'était un des premiers ninjas à avoir une mort aussi horrifique. Ah ouais. Quand tu tombais sur un écran de continue. Il l'attachait sur une table et il le coupait en deux. Et ouais, puis il y avait plein de tout trips, le monde riait de bonhommes démoniques autour. Puis démoniaque, tu sais, fait que ça, c'est vraiment, je veux dire, il y a badass tout autour de Ryu Hayabusa, tu peux pas battre ça, tu peux essayer aussi longtemps que tu pourras jamais battre Ryu Hayabusa. Ses jeux ont toujours été durs à lui aussi, ouais. Moi, je trouve, là, c'est pas de la tarte, là, quand non. même, là. Mais il a bien vieilli, je trouve. Dans le temps, au NES, il était comme habillé en bleu, avec le Dragon Sword. Puis là, maintenant, il est rendu un petit peu plus comme padé, un petit peu plus techno, mais pas trop. Je trouve que ça se balance bien là, quand même. Il est pas devenu comme une espèce de parodie là, trop dégueulasse. Là, t'sais. Non, ils ont gardé un bon design. Quand ils ont gardé un super bon design. Oui. Puis, c'est une super belle licence, licence sur laquelle Tecmo vit beaucoup, là, d'ailleurs. Oui. Là, Team Ninja, t'as quand même une équipe. Ils ont toutes faites? Ouais, ben pas mal. Moi, je suis juste au courant. Mais du, Team Ninja, c'est parce qu'ils sont responsables pour tous les nouveaux Ninja Gaiden. OK. Mais c'est pas rien quand même. Quand ton équipe s'appelle Team Ninja, non, c'est ça. Ça veut dire que t'as quand même assez confiance en ton protagoniste. Là. C'est leur principale source de revenus à Team Ninja Gaiden. Ça. Fait que non, vraiment. Puis présentement, il y en a une couple qui ont dû perdre leur job avec les notes que Ninja Gaiden 3 a eues. Ouais. Mais... quand même, j'ai hâte de l'essayer parce que... Je suis curieux, parce que je l'aime tellement, Ryu, tabarnouche. Ah oui. On l'aime tous. Lui, on n'aurait même pas le temps de se poser la question si on mangeait deux shurikens dans le front, on les aurait déjà. C'est clair. Go, Ryu! Fait que c'est ainsi que se termine ce 23e épisode de Rétro Nouveau. Tout le monde nous disait « Ah, nous autres, on aime ça quand c'est long. » Ben là, cet épisode-là, il est long en tabarnouche. Il est-tu long? Je sais même pas. Moi, je pense qu'il est long. Je pense qu'on a un bon 2h30, là, d'après moi. Fait que c'est ça, ça enregistre. Ben là, on a 2h30, ouais, on a peut-être la crap au travers de on ça. On a peut-être la crap, mais quand même, c'est un bon épisode assez rempli. On espère que la nouvelle formule, une fois de plus, une formule réarrangée vous a plu. Nous autres, on est très contents. Ça coule bien, ça se fait bien. Oui, absolument. Puis on est bien contents de la vidéo puis de tout. Et toutes les nouvelles choses qu'on essaye là, présentement. Et puis là, on vient de finir d'enregistrer. Jeff est parti tantôt. On n'a aucune idée de quoi a l'air les images qu'il a prises. Mais moi, je suis vraiment curieux de voir ça. Je suis vraiment très curieux. Ça va être très différent là, de l'autre environnement dans lequel on était. Là, non, c'est certain. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup de votre support. Continuez à propager la nouvelle et à partager nos affaires. Allez sur retronouveau.ca, écrivez-nous sur Twitter, sur Facebook. On est toujours content de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me suivre à @BrunoGeorget. Vous suivez Dominique Bourret à Papa Cassette. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Oh yeah! Ciao! Bye! Retro Nouveau.